Eh ben bonjour, ici Pierre Brassard, vous écoutez 70% sur Choc FM. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Un vol dans une crèche, des fusils et un empoisonnement en Russie. Sans oublier vos merveilleux chroniqueurs, Serial Keller, Éric Carmen, Patrick Raymond, Octave Savoie-Lortie, Simon Bordelance et Tommy Colin-Vallée. Bienvenue à 70%! Merci beaucoup à notre bande de maison, c'est les douchebags, je voulais dire. Asti que ça fait, bien sûr, c'est le trio mené de main de maître par Jocelyn Thérien, flanqué de M. Giroux et Cardinal. C'est un plaisir à chaque fois. Le show commence et déjà, il y a quelque chose que je veux mettre au clair. C'est pas si pire que ça, les arbrophiles. La preuve, moi, un de mes philosophes préférés, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et lui, il aimait beaucoup, beaucoup ça, les arbres, comme le veulent les chroniques de l'époque. Et ça ne l'a pas empêché d'inventer des idées gentilles qui se propagent bien. La magie de Noël aussi, hein, c'est important. Comment tu vis ça à date, toi, Jonathan Simon? Ben, très bien, mais tu sais, en tant que Johnny Publicité, moi, Noël, c'est probablement ma période préférée parce qu'il y a plein de pubs de Noël. Tu veux dire, il y a une facette de toi qui tripe sur Noël. Ouais. À cause des pubs de Noël. Exactement. Est-ce qu'il y en a une qui frappe ton Johnny Publicité depuis le début? Ah, vite dans ma... Il y en a tellement. C'est tellement 2016, dur. 2016. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas regardé de TV. Moi, ma pub préférée en 2016, je le sais, c'est quoi? C'est Sonnet Insurance. Ah oui, celle-là. Puis il y a un gros pouce, puis il l'envoie dans l'espace. Puis là, tu sais... Oh. Là, il y a le décollage, là, puis c'est monté à la Hollywood, gros Michael Bay production de fou. Y a-tu des drapeaux américains et des explosions? On voit pas de drapeau américain ni d'explosion. Ah, donc c'est pas Michael Bay. Non, mais... C'est les deux éléments clés. Oui, j'avoue. Ah, les placements de produits. Ça serait plate que le pouce explose à un moment donné parce que en fait, qu'il capoterait. Il crisse le pouce dans l'espace, puis là, ça sert à rien. Là. Il envoie un... Là, il va passer à côté de la Lune, puis... Il y a un pouce, tu sais, on va pouvoir dire, tu sais, c'est pas de l'optimisme d'envoyer, puis c'est lourd un pouce. Pourquoi tu le fais? En tout cas, qui mange la marde, là? C'est pas le pire gaspillage d'argent qu'il y a eu dans la vie, c'est ça que je me dis. Ben, ça reste pas mal. Peut-être dans le top 10. Probablement, là, ouais, c'est ça. Un mur entre le Mexique et les États-Unis, ça va être un pas pire. Penses-tu que ça va arriver, ça? Non, jamais. Ouais. Non, même trop cher. Peut-être avant de se lancer là-dedans, je veux vous avertir que lundi prochain, on n'a pas un show un petit peu comme d'habitude. On n'aura pas d'invités. On va avoir plusieurs invités. Et c'est formule cabaret. On fait ça un petit peu à chaque année pour le temps de Noël, de la magie des fêtes. Comme c'est le 26, c'est pas tout le monde qui est là. Mais si vous savez pas quoi faire lundi prochain, que vous avez une petite anecdote de Noël du temps des fêtes de la magie, on accueille vraiment tout le monde. Il va y avoir un open mic de vers 19h à 21h. Ensuite, des VJ de Noël et ensuite un karaoké. De Noël. Merci. Donc, on va tout de suite se lancer là-dedans. On fait ça de manière officielle, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Ludovic Bourdage, oui. Bonsoir. Donc, Ludovic, t'es quelqu'un de la télévision, toi. Ben moi, je pensais même pas que j'étais quelqu'un, Tommy. Quand tu m'as dit ça au départ, tu veux que je participe à l'émission en tant que chroniqueur. Non. En tant qu'invité, mais moi, j'ai absolument rien à dire. Je suis personne. Ben, c'est encore, pas vrai, je suis très flatté en même temps. Martin m'a dit que t'avais été travailler à Rouen. Ben oui, je me suis promené un petit peu. T'étais lecteur de nouvelles, t'étais chef d'antenne là-bas. À 23 ans. À 23 ans, chef d'antenne à Rouen-Noranda. Ouais, à TVA. plus jeune du réseau. Quand je suis allé à Radio-Canada aussi, j'étais le plus jeune du réseau. Fait que là, tu vois, t'as déjà fait deux quand même postes que, tu sais, ça devient conséquent. Quand même. T'étais à Radio-Canada à Edmonton. En Alberta. Donc, j'ai fait Edmonton et Calgary. Puis t'étais francophone en Alberta. Voilà. Parce que la mission de Radio-Canada, c'est de représenter la minorité francophone un peu partout. Fait que t'as des téléjournaux francophones en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, Manitoba, Ontario, c'est Acadie. On se souvient aussi, au Manitoba, il y a quand même une assez grande proportion de francophones. Mais en fait, c'est en Alberta qu'il y en a le plus. Pour vrai? Il y a plus de franco-albertains que de franco-manitobains. OK. Ouais. Je suis très surpris. Ouais. Les franco-albertains sont les plus nombreux. Francophones hors Québec, c'est les franco-ontariens. Oui. Ensuite, tu as les franco-albertains, après c'est franco. Plus tu vas vers l'ouest. Genre. C'est ça. Mais tu vois, il y a des... ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... c'est pas très drôle, mais c'est quand même. T'as pas besoin d'être drôle pour être intéressant. Mais si tu compares les francophones de la Colombie-Britannique, en fait, ou même de Calgary, c'est pas des gens, c'est pas des indigènes, c'est pas des francophones qui sont nés là-bas ou c'est des premières ou deuxième générations, sont arrivés pour le travail. Tandis qu'en Alberta, surtout à Edmonton, dans le nord, il y a beaucoup de familles du Québec qui sont parties des années 30, des années 50, qui ont soit arrêté au Manitoba, en Saskatchewan ou. En Alberta. Est-ce même que des tu penses que c'est parce que les Québécois, on n'est pas capable de monter des montagnes? Ah, si ça arrête, là. Peut-être que ce serait ça. Oh non, peut-être que ce serait ça. Il faudrait demander la question à Serge Bouchard. Mais ça doit aussi avoir rapport avec les emplois dans le domaine pétrolier pis tout, là. Ça devient. Oui, dans les dernières années, ouais, c'est sûr que les emplois pétroliers ont aidé considérablement. Es-tu pour ou contre la reconstruction de Fort McMurray? Oh! Ben moi, je suis contre, mais j'aimerais ça entendre quelqu'un qui est pour ou sinon t'es j'ai contre. Pas en fait, j'ai pas vraiment d'opinion. OK. J'ai pas vraiment d'opinion, mais c'est sûr qu'une ville est détruite pour la reconstruire. C'est-tu simple de même? Je pense que ça serait simple comme quand, ça. Quand Venise va couler, c'est quoi, on va faire des ballons plus grosses, genre? Peut-être. C'est très beau, Venise. J'étais là il y a deux semaines. Je ne vais pas faire de name dropping, mais j'étais là il y a deux semaines. T'étais magnifique. À Venise il y a deux semaines. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Je jugeais ça. T'étais-tu sur Tinder à Venise? Non. J'étais sur Appen. Ah, OK. Qui est une autre. C'est leur Tinder. Mais j'ai été sur Tinder. Non, j'ai pas été. J'étais sur Tinder seulement. À Rouen, il n'y a personne sur Tinder. À l'époque où j'ai déjà eu Tinder, ouais, faut que tu en sois 2014, sur Badou, j'ai entendu dire. Il y avait personne. Ça me donnait des matchs de Montréal, des gens que j'avais croisés il y a peut-être deux, trois jours. Bon. Toi, Tinder, Tommy, c'est nouveau pour toi? Oui, j'ai trouvé une fille qui jouait à Magic l'autre fois. Ah, sur Tinder. C'est-tu ça ton. C'est-tu ça ton tagline? Tu joues ça à Magic? Ah, non, j'ai. Hey boy. En fait, c'est genre champion de curling. Qui adore le bricolage et finir ses phrases dans le VID. Là, j'ai rien mis après. Ouais. C'est ça de long. Là. Un fin mot d'esprit. Oui. J'aurais peut-être dû demander que je cherchais des joueuses de Magic. Ben, je pense qu'avec tout ça, tu vas résumer. En fait, là, j'étais supposé ce soir montrer mes photos à Bruno et qu'on parle de mon Tinder. Je vais avoir fait ça avec toi. Sinon, là, t'es rendu, tu fais quoi présentement? Ben là, en fait, moi, je suis parti de l'Alberta il y a peut-être, donc en avril, ça fait 8 mois. Donc, j'ai tout lâché Radio-Canada pour les nouvelles, en fait, pour me lancer dans le monde de la production télévisuelle chez le privé. Fait que là, t'es allé non seulement dans le privé, mais aussi en arrière de la caméra. Oui, c'est ça, en arrière de la caméra pour essayer ça, puis j'aime vraiment ça. Là, en fait, je travaille chez Datit. Datit, nous, on produit La Guerre des Clans, Belle et Bomme, Les Dieux de la Seine, Les Aventures du Pharmachien, j'ai travaillé là-dessus, et Célibataire et Nu, Québec. Oh! Le gars, il est content, le sourire de ta tête. C'est parce que je travaille sur plein d'autres bons shows. Oh. Quelqu'un qui joue c'est avec des verres. Okay. Des gens qui jouent avec des verres ici. Ah oui, c'était capoté. C'est comme ça. Mais Célibataire et Nu. Voilà. Ben, j'étais sur plusieurs contrats et donc Les Aventures du Pharmachien, qui est un super show en passant, explorer débrouiller pour la période des fêtes. Et c'est disponible donc sur ça vaut tout la TV. Peine. C'est même vraiment rendu un très pédagogique. Bon show. C'est très pédagogique. C'est bien apporté. C'est réalisé par Pierre-Luc Gosselin, que vous connaissez bien, qui est passé à l'émission il y a quelques mois déjà, le réalisateur des satiriques. Pierre-Luc Gosselin. Ben, oui, il est venu ici. Il est venu. Ah oui, mon bon pote. Suis, Tommy. Ben là, ça en fait des 70%. Là. C'est ça. Ben non, ouais. Ça en fait pas mal depuis 10 ans. Donc, je travaille là-dessus. Et les aventures du pharmacien, c'est une super belle aventure. D'ailleurs, je faisais un scientifique vendredi pour un épisode de zombies. Non, jeudi. Ah, fait que là, t'es obligé de sortir ton talent d'acting. De figurant. Ouais, je faisais un scientifique dans un outbreak de zombies. Avec une voix off, puis là, il fallait que t'ailles l'air surpris. Non, non, là, Pierre-Luc, il nous dit, bon, ben, OK, là, faites quelque chose, rendez-vous occupé, là, faut que ça a l'air d'un labo occupé. Bon, ah, ben, moi, je vais bouger le chariot. C'est ce que j'ai fait. Donc, dans l'épisode vaccin, si vous voyez un scientifique avec un masque à gaz et qui bouge un chariot, ben c'est moi. C'est toi, c'est toi. Là, t'as un masque à gaz, c'est pratique, tu vas pouvoir revenir c'est dans ça, d'autres épisodes. Je vais pouvoir revenir. Ben, je reviens dans la scène suivante avec un autre masque. On pense que c'est deux scientifiques. Totalement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les films. On y voit que du feu. Mais oui, célibataire et nu, j'en parle parce que c'est ce dont on me parle le plus. C'est assez spécial comme show. C'est spécial. Ça. J'ai fait le casting de ce show-là. Fait que t'as vu des pénis. J'ai vu des pénis pour deux vies entières. OK. Cet été. Et peut-être l'été prochain encore plus. D'ailleurs, demain, on est en pitch. Okay, ça veut dire que ça pogne vraiment beaucoup, fait qu'il va avoir une autre saison. Ben, c'est l'émission qui tirait le plus à Musique Plus cet automne, qui avait le plus de codes d'écoute. Ouais. Ben, il y a des codes d'écoute positives et il y a ce qu'on appelle du hate watching. Donc les gens écoutent vous tenez ça. Compte de ça à la TV? Ben non, on le sait pas, mais on voit les chiffres. Mais il y en a là-dedans, il y a une proportion des gens qui écoutent ça pour haïr ça. Oh, regarde ça, c'est de la merde. Regarde-moi si elle a l'air ben, comme Love Story dans le temps. Comme Love Story dans le temps. Ben oui. Donc, ouais, 78 candidats que j'ai eu à trouver cette année. Donc la grande qualité, est-ce que c'était, d'après toi, c'était quoi la grande qualité qui était recherchée pour... pour participer à Célibataire et nu. Le pas de pudeur. Pas de pudeur, oui, évidemment. L'entre-gens. L'entre-gens. Se ramasser. L'entre-gens. Si t'es célibataire et nu, ouais. Tu te ramasses. En fait, c'était la disponibilité. Oh. T'es prête, tu veux venir, viens-t'en, on te prend. Parce qu'on a tellement eu de cancellations et de chokages à la dernière minute, ça va sûr. Pas de bon sens. Ah oui, du monde qui disait qu'il était pour être capable. Je m'arrachais les cheveux en tournage. Fait que là, tu vas savoir qu'il faut que tu te gardes un petit gros pad. Ben, à la fin, ben, on avait le concept, en fait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est trois gars qui rencontrent, c'est trois gars et trois filles. Donc, tu as deux, un gars et une fille principale qui rencontrent trois célibataires. Puis, donc, ça prenait six célibataires à chaque semaine, chaque nouveau célibataire chaque semaine. Puis ça arrivait souvent qu'il y en avait un qui pouvait plus ou qui s'est cassé la jambe, trouve quelqu'un d'autre. Ou là, finalement, sa blonde, ça le fait plus rire. Tu fais tes matchs en conséquence. Ben, il y en a que tes castes au début, ils envoient leur fiche d'inscription au mois de juin, tes appels au mois d'août, oh, je me suis fait une blonde. Écoute, j'en ai attendu de toutes sortes. Puis c'est ça, tu te fais un match, là, t'envoies ça au producteur, t'envoies ça au diffuseur. Bon, ben cette semaine, c'est la gang qu'on a et tout. Puis finalement, tu t'aperçois que à tous les jours, il y a quelqu'un qui te choque. Puis ça, tu commences à avoir un autre pool au complet. Ouais, parce que des fois, ça arrive que vous filmez deux jours, là, il y a quelqu'un qui débarque. Genre. Ouais, ou il y a quelqu'un qui se pointe juste pas. À un moment donné, c'est arrivé, on a dû annuler un tournage parce que la fille s'est pas présentée. Ça, c'est courageux. C'est juste jamais pointé. Ouais, ouais, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Ben oui. Puis on n'a pas été capable. Parce qu'on a besoin d'une fourche célibataire. Non, mais invisible. Tu te dis, OK, ben là, on a besoin de quelqu'un. Ben, c'est parce que pour d'autres shows qu'on fait, tu peux toujours demander à tes amis ou quelqu'un qu'on connaît ou à ton beau-frère, il y a tout ça. Ou on cherche une maison pour tourner. Tu sais, ça se trouve assez facilement au pied levé. Mais quelqu'un célibataire, et prêt à se mettre tout nu, disponible demain matin. Tu me le demanderas, je pense que je vais en connaître de ça. Hey, moi, il y a une affaire sur ce show-là. Je n'ai pas vu beaucoup. Il y a des extraits qui ont circulé beaucoup. Je trouve ça weird qu'on puisse voir les mamelons des gars, mais pas ceux des filles. Ah bon, ouais, ça, nipple ça pourrait gate, peut-être le être... nipple gate qu'on ouais. a appelé. Non, ça, c'est l'affaire avec Janet Jackson. Ah oui, OK. Ouais, c'est de plus en passé. Plus difficile de trouver un gate qui n'a pas été pris encore, là, mais ça serait-tu pas pire de comme changer la censure tu sais, parce que vous mettez comme une barre? Ouais, non, on met du brouillage. Du bleu, en fait, ouais. Mais peut-être vous pourriez mettre comme un mamelon de gars plus gros par-dessus les mamelons de filles, puis là, ça serait correct. Juste mettre l'embrouillé, là. C'est 20 heures de montage par épisode. C'est sûr. Frame par frame. Puis souvent aussi, là, il en fait sur une séquence qu'il pense que vous allez garder. Puis là, ben là, il y a. Non. En fait, c'est qu'on monte l'épisode puis au complet, après, puis après ça, on lui donne une heure. Okay, on lui donne le 40 minutes. Parce que, hey, 20 heures, là, c'est. Ah ouais, t'en fais deux par semaine. Parce que c'est bien important qu'on ne voit pas les mamelons de filles. C'est très important. Ouais, ouais. Les parties. Mettons qu'ils sont comme collés puis ils font de la lutte gréco-romaine puis que là on voit comme un bout de mamelon. Si vous êtes pas sûr, allez-vous le blurrer ou vous allez le laisser là? En cas de doute, on blur. OK, c'est bon, j'aime c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci Ludovic d'être avec nous. Ben, c'est un plaisir incommensurable. À partir de maintenant, des chroniqueurs vont défiler à N'hésite pas à commenter, t'as un micro, ça n'est pas pour rien. Mesdames et messieurs, Ludovic Bourdal, s'il vous plaît. Oui, une femme de Bethléem en Pennsylvanie a été arrêtée par la police après avoir volé le bébé Jésus de la crèche placée devant le Payro Plaza et de l'avoir apporté à l'hôpital avec une note disant que l'enfant était négligé par ses parents, Joseph et Marie Christ, ou Christ. Jacqueline Ross, 49 ans, a affirmé qu'il s'agissait d'une blague, mais la police n'entend pas à rire et a arrêté la femme pour vol et vandalisme institutionnel. Aux dernières nouvelles, Ross n'avait pas d'avocat. Oh, la vilaine. Ouais, sûrement que Jésus va intervenir. Ouais. Au moins, elle a pensé à lui. Jésus est de son bord. C'est, bon sûr, c'est bon de l'avoir son bord, lui. Ça a l'air qu'il fait gagner des trophées. Hein? Ouais. J'entends des gagnants de titres professionnels. C'est souvent la première personne qui remercie. Hein? Ouais. Fait qu'on a des combats de boxe aussi, des fois. Mais voilà. Let's go next! Stuart Semple a créé le rose le plus rose qui existe et le vend sur son site internet. Il permet à tout le monde de l'utiliser, sauf l'artiste Anish Kapoor. Pourquoi? Parce que Kapoor a créé avec des scientifiques le noir le plus noir et se garde les droits exclusifs de cette couleur. Semple force quiconque qui achète son rose le plus rose à signer une décharge affirmant qu'ils ne sont pas Kapoor ou qu'ils ne sont pas affiliés à Kapoor. Il affirme vouloir donner une leçon à Kapoor dont l'attitude se rapproche, selon lui, de celle d'un enfant qui ne veut pas partager ses crayons feutres. Laissez donc les artistes s'essayer avec votre noir, a-t-il affirmé, c'est beau partager. Il n'y a pas tard. Y a surtout pas tard. Avant la période des fêtes. bien vu, Ludovic. Fait que ça veut dire qu'il a peut-être inventé le rose le plus rose pour se venger. Peut-être que c'est ça qui l'a motivé d'un bout à l'autre. Ouais. T'sais, l'idée qu'il a trouvée pour se venger, c'est de créer du rose. Plus rose. J'aime son concept. C'est weird aussi, ces idées-là. Hein? Moi, je me rappelle avoir appris que le gars, il avait créé le noir, le plus noir. Mais... en parlant de couleurs, je peux-tu vous conter une anecdote? Je travaillais sur la guerre des clans cet automne. Je faisais le juge. On n'a pas dit oui. On a pas à dit la oui. guerre des clans. Pareil, c'est moi l'invité. Vas-y, man. Je travaillais sur la guerre des clans, puis... c'est moi qui faisais le juge pendant les tournages. Là, c'est moi qui actionne ça. C'est un peu stressant, en passant. Ben, je comprends. Il faut que tu répondes là. Non, il faut que tu répondes là. C'est une bonne rapidité d'exécution. Tout ça pour dire que quand on a des auditions, parce qu'on a des familles, on a peut-être 2-3 000 à peu près par année qui postulent sur le site Internet, on en sélectionne quelques-unes qui viennent en audition. Quand ils viennent en audition, on joue à la guerre des clans avec quelqu'un d'autre, là, un autre chercheur qui va jouer le rôle de l'animateur. Et on a comment t'appelles ça, un test de connaissance générale. OK. Voir s'ils ont quand même une bonne connaissance générale et une bonne rapidité. On n'amène pas des valises. Ben, c'est ça. Puis il y a comme deux familles qui ne se sont jamais vues qui se pratiquent. C'est ça. Ben okay. Là, on leur donne des questions écrites. Puis il y en a, ça peut aller de qui a fondé Québec. On en entend de toutes sortes, Jacques Cartier, Maisonneuve et compagnie. Et il y a une question, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette connaissance générale-là. C'est pas non, tout le monde qui sait c'est quoi l'équipe de hockey professionnel à Ottawa non plus. C'est ça, c'est ça. C'est bon, c'est pas tout le monde qui sait non plus qui est le premier ministre du Québec. Ben là, malheureusement, c'est triste. Là, ça sort de chez vous. Mais moi, ce que je trouve plus triste, c'est à la dernière question, quand on demandait quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune. J'ai eu du vert, j'ai eu du bleu, j'ai eu du mauve. Il me semble que c'est la base. Ouais, non, ça, c'est maternel. C'est la base. Ça, c'est maternel. C'est là, pas ouais. des connaissances, c'est juste la base. Ouais. C'est la famille. Ah, on n'en a pas de nom. Ben non, c'est sûr. On les salue. Les amis, une bonne concentration de daltonien là-dedans. Écrivez-nous si vous connaissez si pas. Si vous reconnaissez. Si vous reconnaissez ou vous n'êtes pas capable de faire. Quand même assez capoté, ça. T'en as-tu une autre? J'en ai une petite dernière. Let's go. Armé d'un pistolet, deux garçons de Toppenish dans l'État de Washington ont volé une femme mercredi dernier, lui volant ses effets personnels. Les deux mineurs se sont sauvés, mais un témoin a pu indiquer à la police dans quelle direction ils se sont dirigés lors de leur fuite. De plus, les traces de pas qu'ils ont laissées dans la neige ont mené la police directement à leur planque, où ils ont trouvé les deux suspects, ainsi que les effets personnels de la victime et le pistolet. Des prix Nobel. L'alcool aurait un... Non, apparemment pas. Oh, ça vaut de... Tu nous reviens plus tard dans l'émission. Je reviens plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Jonathan Merci. Simon. Jonathan Simon, mesdames, messieurs. Oh, ouais, on peut lui donner de toute beauté. Ça nous amène au prochain, s'il vous plaît. Yeah! Gros, man! Prends-toi un micro, man, si tu fais. Gros. Je sais pas, man, je fais du théâtre au secondaire, je suis capable de parler fort. Ouais, man, c'est vrai. Je suis un peu déçu, man, en pas headline à soir, man. Non, ça c'est décevant, un problème, gros, man. Y a-tu un problème? C'est quoi, man? Hein? C'est quoi le gros? T'as un trouble avec ça? C'est quoi? Ah non, mais moi, le petit gros avec une barbe, dans le fond, il est meilleur que nous autres, c'est ça? Non, ben non. La fille, là, qui parle tout le temps des jokes, là, elle est meilleure que nous autres? Pour des affaires. Ouais. Je savais. Tu calmes-toi. On va être correct cette fois-là, man. On a un popé et trips, man. C'était en site, man. On veille dans le métro, man. On trip. Check, j'ai trouvé ça dans le métro. Ouais, man. Bling. Tu vois ça, le bling, man? C'est capoté, hein, gars? Gars, fourrette, man. Gars, où est-ce qu'il va, gars? Ouais. Ça me rappelle quelqu'un que j'ai interviewé, ça. Kiro, la fille, elle courait pas vite. Non, c'est ça, man. Ça a été facile en tabarnak. Il est à moins. Ouais. Le dernier gars m'a mis dessus, man. Ouais, c'est ça. On se promène dans le métro, man. C'est un site, on triple. C'est cool, man. C'est plus sensuel qu'on pense, le métro, man. Avez-vous pogné les nouvelles voitures? C'est le fun, hein, parce que tu peux y aller d'un bout à l'autre. C'est capoté, man. C'est meilleur qu'on le change, là. 25 cents, c'est sûr, man. Ouais. En tout cas, ben. Ça nous a inspirés, man. Ben, c'est ça, on a fait une toune avec ça. On a fait... J'ai une seconde. Ouais, peux-tu tenir ma gomme, Godette? Non, c'est une joke, gros, là. Si elle allait le faire, man. Là, man. Non? Non. L'invité, tu veux pas? Non? OK, c'est bon. C'est dégueulasse. On va dire de peser ce play, là. Moi, j'ai comme menacé quelqu'un là-bas. Là. Oh, le métro, man. Le métro, man. Nouveau, man, le nouveau métro. Live sur les internets. Pourquoi j'ai mis cette son-là, man? C'est long. Oh! Oh, le bro, man! Brouhaha! Ça suffit, man. Lève tes bras! Attends, moi et le gros, j'suis pas à deux pas. Choisis mes combats, j'pars dans les Bourassa. La porte s'ouvre à deuxième station. Il faut que je me check, c'est radical à Radisson. La meuf du pain aller à l'Angelier. La police fait juste enverger des beaux policiers. J'suis dit pour une pause de cash. M'a acheté une station, pas là où est ma Cadillac. Montmorency de la Concorde quartier. Il s'est rien passé, malgré mon flair légendaire. C'est pas avant sauvé que je l'ai remarqué. Avec son chandail bleu, pis ses yeux verts, son petit teint jaune, pis ses ovaires. À matin, atteint ses cheveux orange. Ça fait toute la différence. À la croisée des chemins, Biri UQAM, où c'est que mènent tous les trains. Deux gosses pis la même fille. C'est à soir que ça se passe, on se rejoint à la pastille. Yeah! Gros! Yeah! Gros! STM représente. Crémazie, y a de la magie. À Jory, j'arrive pas à me débarrasser de tes yeux. Dans mes yeux, je nous vois déjà heureux. Chantalon, je m'en fous, c'est beau, c'est bien, c'est beau, bien. C'est rose, c'est mon. Rendu à Laurier, le Mont-Royal entre les mains. On s'installe à Sherbrooke, même si on est brooke. Je me pose des questions qui valent pas la peine. Genre, et quitte par la station Fontaine. J'ai faim, je devrais peut-être arrêter pour un Big Mac à Frontenac. Fuck it! Faut que mon kit reste beau. Plaisir gratuit, on est rendu à Baudry. J'suis quasiment arrivé le gros. Pas de temps pour un pipi, on se rejoint à Péry. À la croisée des chemins, Péry UQAM, où c'est que mènent tous les trains. Deux gosses pis la même fille. C'est à soir que ça se passe, on se rejoint à la pastille. Yeah! Come on! Gros! Yeah! Oh! STM représente le chibro. As-tu déjà été magasiné en dessous de la terre? Jules Verne lifestyle, Longueuil, vie réelle, charpu dehors, j'prends la passerelle. J'sais pas trop où m'en aller. 68 stations, trop de choix, c'est comme pas assez. 759 wagons. Bye. STM, j'suis dans mon cœur. Première relation interrelationnelle. Il faut de la confiance. Toi, moi, lui, pis elle. À la croisée des chemins. Berry, Lucam, où c'est que mènent toutes les trains? Deux gosses, la même fille. C'est à soir que ça se passe, on se rejoint à la Bastille. Yeah! On se rejoint à la Bastille. Soirée illimitée, STM représente. Mais juste après 18 heures, gros, soirée aubaine. Du consentement, mais même avant, c'est important. On split la facture. Tout le monde content, fait qu'on fait de la dope. On repart à riant. En transport en commun. En nuage à la peur. Ouais, gros, ouais. Nuage à la lune. Ouais. Merci. Je pense que c'est long, man. Et je pense qu'ils veulent qu'on s'en aille, man. Je pense que c'est un. Ils ont pas aimé chapeau, le nuage à vapeur, man. Non, j'ai pas compris pourquoi c'est. Moi non plus, man. C'était écrit ça sur la feuille, man. On s'est levé. C'était écrit. On l'a fait de même. Ouais, achète notre CD, gros. Ouais, il s'en vient. Ben, il s'en vient. Il est dans la malle. Ouais, encore. Merci. C'est réel que l'heure, mesdames, messieurs. Ah, ils sont capotés. Quelle aventure! Ça t'a jamais tenté, toi, d'essayer le rap? Tu vois, rap? N'importe qui peut faire ça. Oui, mais j'ai pas leur talent de composition. Ah, ouais, j'ai pas le sens du rythme. Moi, je pense que j'ai une surdité rythmée. Ils ont parlé de Jules Verne aussi. Ça a oh, été quand oui, même. Hey, quand même ça a été coquet. Plugger Jules Verne Lifestyle. Le Jules Verne Lifestyle. C'est-tu qu'ils sont malades, je les adore. Ça fait comme 4 tounes. Ils sont venus régler des affaires, puis ils sont venus prendre la place. Là, ils étaient dans les transports en commun. Ben moi, je suis prêt à signer 2 albums. Ah ouais, hein? Ah ouais. On va s'en reparler. OK, bonjour, ici Réal Bélan. Vous écoutez Choc FM. Les lundis douteux, chaque lundi depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux, apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. On est prêt pour les prochains. De fucker. Éric Carmen de retour 6 mois plus tard. En fait, j'ai presque un an, si je suis venu une fois. Ouais, je sais pas si ça a rapport avec toi, Chris. Je sais pas. Ben moi, mon créateur, je l'ai eu en esti. C'est un esti de mangeur de marge, Jean-Sébastien Godette. Il m'empêche de venir faire le Chris de show, puis il me remplace par un mongol qui tripe sur le fromage. On a chacun nos problèmes. Puis il vient faire une chronique de correspondance puis de musique de l'absurde. Esti de connard de Chris. Toi, t'aimes-tu ça quand je viens faire ton show? Oui. OK, merci, mais moi, je t'aime pas. C'est rien de personnel. Je t'aime pas. Ça l'aide pas. Ça. Ben, c'est pour ça que je viens juste quand c'est Toto quand qui remplace. Ah. Je suis venu quand c'était Toto la dernière fois, puis surtout quand mon créateur n'est pas là. Là, c'est une mangeur de marde. Une entrée remarquée. Ouais, il fait ça, c'est Éric Carmen. Ben, puis gars, là, ça paraît en estie, hein, que je suis pas ici depuis plus d'un an, à peu près un an, parce qu'il y a pas mal moins de Gerda dans la place. Puis ça, là, les Gerda, là, ils savent en estie, hein. Éric, il est shafté, puis ils peuvent le sentir, ça. Les poules, ils sentent. Pas que je chante du bat, mais Chris, tu sais... Moi, j'imprègne l'odeur de chaff. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, bon. Tu le fais de l'effet. Ben, c'est ça. Ouais, oui. Bon, avant de débuter, parce que là, pour faire chier mon remplaçant, Jean-Sébastien, j'ai amené ses correspondances, hein? Comme ça, il va en avoir un moins, puis il va être pogné sans job. En tout cas, fait que là, avant de commencer, moi, il m'est arrivé une affaire drôle hier. Il y a un de mes chums qui me dit, on parlait de roman, puis tout. Puis là, il me dit, ah oui, mais mon entraîneur d'escrime chinois... un professeur d'escrime chinois. En partant, c'est drôle. Là, après ça, il me dit, ouais, il traite bien gros Vampire de Masquerade, esti de grain, puis il écrit un roman de vampire. Là, moi, j'en pouvais plus, esti. Je dis, hey, allons donc, esti, l'appropriation culturelle. C'était nous autres, ça, les histoires de vampires. Les Chinois, puis l'escrime, puis les vampires. Allons donc. Bon, fait que là, j'ai amené de la correspondance, hein, des années 80, des sextos pour les jeunes dans le magazine Wow et Fan Club. Fait qu'on va commencer avec une fille qui dit « Salut les boys, je m'appelle Karine Néron ». Malheureusement, c'est pas Caroline, c'est Karine Néron. Elle passe proche, par contre. Ouais. Mais pas aussi belle. Et je m'appelle Karine Néron et j'ai 15 ans. Si tu es du genre cheveux aux épaules pas trop laid, hein, c'est important, grand et sympa, tu es le gars idéal. Sinon, c'est pas la fin du monde. Ben là, décide-toi, calice. Là, elle sait pas ce qu'elle veut. Hein, c'est des filles, c'est toutes des folles, calice. Elle voulait peut-être Tommy. Ce qui compte le plus, c'est que tu sois smart. Maintenant, parlons de mes goûts. Comme musique, j'aime Rick Astley, Beastie Boys, Two et Glass Tiger. Mon acteur préféré est Patrick Swayze, entre parenthèses, de Dirty Dancing. Aïe, c'est vraiment... Puis c'est moi qui ai écrit la toune. 90% des jeunes filles de l'époque. C'est moi qui l'ai écrit la toune pour Dirty Dancing, Chris. Eric Carmen, hein, Hungry Eyes, c'est ma toune. Je mets au défi n'importe qui de dire le contraire. Calisse. À part de ça, j'essaierai de répondre à toutes les lettres qui auront une photo. À une fille qui cherche encore des beaux mâles. Hein? Bye bye Karine Néron de Mercier. Salut Nathalie. Pas pire, hein? Point d'interrogation. Elle se sentait bien hot d'avoir écrit ça. Ensuite, un autre qui cherche du monde. La fille, elle commence avec le titre Débile, capoté, sauté! Yeah! Une vraie crise de folle. Bon. Je suis débile. Hey, j'avais raison, aussi. Je suis débile, capoté, sauté. J'ai 16 ans et j'aime tout de Pink Floyd, Led Zepp, The Cure, tout sauf le soft rock. Ouais, dans mes cordes. Cherche quelque chose de compatible. J'aime particulièrement les beaux mâles pour correspondre et se voir, c'est sûr. Vite! Ils ont tous pas mal les mêmes goûts, ouais, ces filles-là. Ouais, les goûts musicaux, hein? Les beaux mâles. Les gars pas trop laids. C'est spécial, ces filles-là. Ah, Christ, t'as rien entendu. Marie Saunier de Montréal. Salut, Marie, petite folle. Bon. Voyons, hey, Chris. Laisse-la donc s'exprimer. Bon. Là, il y a quelqu'un qui a des émotions et qui a un petit peu de savoir-vivre. Réponse à PB sur la correspondance. Bien dit! Je suis d'accord avec cette personne que ce n'est pas sérieux d'écrire dans les annonces recherche « beau gars » ou « belle fille ». Hein? Quelqu'un qui fesse dans le tas. Oh, elle va dans le sens de contraire remet, de toutes les autres. Il remet en doute tout l'establishment de ces pages-là. C'est vraiment quelqu'un de spécial. Existe-t-il un critère de beauté si un gars est intéressé par l'annonce d'une fille et qu'il veut la connaître, mais que l'annonce mentionne « beau gars » C'est un obstacle pour le gars s'il n'est pas beau. En même temps, la beauté, c'est très relatif. C'est ça, hein? C'est... La beauté dans moi, ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais pas mal beau. Ben, c'est ça l'affaire. D'ailleurs, est-ce qu'il serait intéressé par une fille qui mise avant tout sur l'aspect physique et la beauté du gars? Elle est intellectuelle, oui. Elle. Hein? Je pense que oui. Je suis certaine de ne pas être la seule à le penser. Ouvrez les yeux de votre cœur et vous découvrirez bien des choses sur la nature humaine. Isabelle, 23 ans. Hey, ta gueule, la petite folle. Tarnac. Hey, on est là pour fourrer là-dedans, là. Oui. Surtout. Oui. On a 10 à 16 ans. Fourrer par correspondance, ça prend 2 semaines. Deux autres nounounes qui n'ont vraiment pas rapport. Petit bureau de correspondance dans les correspondances. Hein, quelqu'un qui a deux personnes qui n'ont rien à faire. Bonjour, nous sommes deux filles et nous avons ouvert un genre de petit bureau de correspondance. Si tu veux avoir des correspondantes du Canada, faites-nous parvenir une demande et nous allons essayer d'y répondre. Cela coûte 60$. Et tu peux envoyer un timbre collé à ton enveloppe. Nous accepterons seulement la langue française. Ben oui, c'est ça, tu sais, au Canada, la langue française. Hey, 60$, là, il y a 30 ans. Ça valait... Surtout que, tu sais, tu peux y aller direct dans le magazine Wow pour une coupe de scène, tu sais. C'est n'importe quoi. Tu peux décider de quelle ville il vient, son âge et son sexe. Ne te gêne pas. Nous avons besoin de beaucoup de correspondants, Dante. Demande le formulaire. Du spam de. Ouais. C'est capoté. Ils ont spammé la spam, correspondance pour avoir spam l'heure. D'époque. Spam de 1987. C'est correspondance à Saint-Hyacinthe. Écris, hein? Ça ouf. Va arriver. Maintenant, un avis de recherche. Salut François. François, que deviens-tu? J'espère que tu passes des bonnes vacances et que Lise Haché sort toujours avec toi. Ne la perds pas. C'est une bonne fille pour toi. Bon, salut. PS, je pense toujours à toi lorsque j'écoute Indochine. Rénal Provost de Longueuil. Ah, je connais une Lise Haché. Fif. Indochine. Est-ce je connais une Lise Haché, c'est peut-être elle. Lise Haché. Ouais, ben, le, ça dit pas de où ce qu'elle vient, mais le gars vient de Longueuil. Fait. Écrivez-nous si vous êtes Lise Haché. Habituellement, les avis de recherche, ils vont chercher loin et en voilà. Tabarnak. Un petit dernier, là, ouais, parce que je pense que tout le monde a les oreilles. Un petit vite. Ouais. Les gars me trouvent très belle. Salut les gars, je suis une fille qui aime avoir du fun. Mon passe-temps, écoutez Samantha Fox, Bon Jovi, Pink Floyd, j'ai 13 ans, cheveux bruns, yeux pailles. Mon adresse, je la dirai pas, Annie Mongrain de Mickinac. Et ensuite, la dernière, avis de recherche. Je recherche un gars que j'ai vu le 23 juin 1988 au casino à Ville-de-la-Baie. À la place du 150e du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu portais des jeans noirs, un anorak bleu marine, les cheveux bruns courts et les yeux bruns, je crois. Si tu te reconnais, écris-moi à Annie Dégagné, Ville-de-la-Baie. Ouais, je me reconnais. C'est le quelqu'un qui est ça. Hey, en terminant, deux petits mots sur Star Wars. Let's go, let's go. Pour décrire Star Wars, le dernier, là, moi, je dirais... Bukkake spatial. Parce que tout explose de tous bords de côté, puis à la fin, tout le monde est content. Et voilà. Merci beaucoup, Eric Carmen, mesdames et messieurs. On vous rappelle qu'on ne lit pas les chroniques des chroniqueurs avant qu'ils se lancent sur le stage. Leurs opinions n'engagent qu'eux-mêmes. On est prêt pour le prochain. Salut mec! Ça va bien? Ben oui, ben oui. Écoute, hey, alors... Tu réalises que pendant que tu t'en venais, il était en train de te jouer. Ben oui. Il jouait des octaves. Ça m'arrive constamment. C'est comme ça Il jouait quoi? Un octave. Un octave. Oh, palais. Parce que c'est moi. C'est niché. Parle-nous, parle-nous. Alors, ben t'as sûrement remarqué, mais je suis complètement imbibé de la magie de Noël, Tommy. C'est vrai. Oui. Hein. De la tête aux pieds. La tête aux pieds complètement. Écoute, mais je sais pas si vous avez des traditions de Noël. Est-ce que tu as des traditions que tu fais à chaque année Noël sûrement? Ben je me force pas vraiment. Ça vient naturellement chaque année, mais je me calisse pas mal de tout ça là. Ah oui. Je te dirais c'est pas mal ma tradition. Ben, écoute, poursuis. Ben important. Sinon je fais un party le 25 au musée aussi. Ouais. Tout le monde est bienvenu. Si vous savez pas où aller. Il y a des gens aimables au Musée de l'Absurde le 25 décembre. Parfait, des gens aimables à Noël. La nuit la plus longue, hein, c'est la journée où le sauveur de l'humanité nous a été donné. C'est vrai, une ouais. fois, puis reparti. Maintenant. Justin Trudeau. Maintenant. Alors écoute, moi j'ai une seule tradition à Noël que je fais depuis plusieurs années maintenant, et puis c'est que j'applique en médecine à McGill. Je fais ça depuis 2008. J'ai toujours pas été accepté. Mais ils m'ont pris en entrevue en 2010, par contre. Oh. C'est pas pire. Ça s'est très mal passé. Ça tombait l'année que je faisais mon vœu de silence. Donc, j'ai pas scoré à l'entrevue. Mais enfin. Puis le vœu de silence lui-même s'est mal terminé parce que je l'ai brisé quelques semaines plus tard en criant une réponse à l'union fait la force. On veut que tu choisis tes combats. Hein? Oui, mais c'est sorti cette fois que moi. Le pire, c'est que c'est même pas la bonne réponse. Livre octave, non? Mais bon, donc... mais j'essaye quand même. Ils me répondent jamais, mais ils encaissent quand même mon chèque. Donc j'imagine qu'ils étudient la demande. C'est 150$ appliqué à McGill. Pas en médecine. Ah, c'est vraiment un petit cadeau de Noël que tu te donnes, ça, là. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout pour eux. Ils en ont besoin. Ils sont pauvres, ce monde-là. Ça n'a pas de sens. McGill, là. Des guenilles. Non, ça, ils s'habillent. Ils n'ont pas de linge. Mais puis pour étoffer ma demande, là, je me dis peut-être que c'est les lettres de recommandation qui fonctionnent pas. C'est faible. Au début, c'était mes parents, des choses comme ça. Là, je les étoffe. Fait que je pense. Je suis pas un bon. j'ai des lettres de recommandation de mes parents. Va t'en trouver une, si tu veux. Non, mais là, ça va mieux parce que je me suis dit, je vais demander à des personnalités de la médecine mythique. Fait que là, la dernière, l'an passé, c'était la main, c'était signé par la main du docteur Fu Manchu lui-même. Ça n'a pas marché. Non. Il voulait rien savoir, même si il vantait ma passion pour la médecine. C'est quoi déjà? La médecine insidieuse que je pratique. C'est quand tu prescris surtout du venin de cobra. C'est de tous les remèdes. Change le mal de place. Pas, oui, c'est ça. C'est comme dans les films de guerre que là, le gars il reçoit une balle, fait que son sergent il casse le doigt. Quand tu soudainement tout va mieux. C'est ça. En même temps, est-ce que t'as essayé, Tommy? Ben non. Ben c'est vrai. Avant de remettre en question les films de guerre. J'essayerai jamais. Mais bon, ben si tu veux, moi je vais être docteur un jour, fait que si tu veux, je t'en parlerai. C'est mais bon. Moment, je sais pas. Mais cette année, à la place d'une lettre de recommandation, j'envoie une photo de mes hémorroïdes. Avec une note qui dit « Pouvez-vous m'apprendre, ça urge. » Je te souhaite que ça marche. Moi aussi, parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dans les hautes études médicales pour essayer de régler leurs problèmes mais leur eux autres. Mais je comprends en même temps, parce que moi, je voudrais pas que quelqu'un d'autre y touche. Mais j'ai besoin qu'on m'explique comment. Donc, c'est le 6 pouces le plus important de ton corps. Fait que c'est ça. Le problème aussi, j'ai vu sur le site, je me renseignais pourquoi ça marche pas mes affaires. Puis sur le site, ça dit que les applicants avec une cotère de moins de 32 sont considérés non compétitifs. Puis là, j'ai réécrit un email parce que j'étais super insulté. Je suis très compétitif, c'est juste que je suis pas intelligent. C'est deux choses vraiment. Franchement. Il comparait des pommes et des oranges. Viens-t'en, moi, t'en coller une si je suis pas compétitif. Mais en fait, le problème, c'est que j'en ai plus de cotère. Parce que non, je l'ai échangé à ma dernière année de cégep contre un longboard puis un sac de Ringolo ketchup. Je regrette pas vraiment, je l'ai encore, le sac de Ringolo. Le longboard, je l'ai mangé. Oh shit, t'étais bake, mais ça a bien été. C'est bien que tu comprends que j'ai perdu toutefois en la médecine moderne. Et puis que maintenant, quand dans les avions, quand quelqu'un demande s'il y a un docteur dans l'avion, je dis non, mais c'est pas de ma faute. Tu vois que t'aides dans ce cas-là. Merci, voilà. Mec. Merci à toi. Si t'es là lundi prochain, tout le monde va être content. Octave, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Ça amène un petit sujet sensible, ça, toi, Ludovic, oui. Bourdage, à part la TV, parce qu'à 23 ans, t'étais déjà bien casé, là, t'as-tu eu un plan B, genre, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ton charisme, à un moment donné, t'as fait un critical hit dans le système d'éducation, puis là, tu t'es rendu chef d'antenne non, à 23 ans. Moi, j'ai fait art et technologie des médias au cégep de Jonquière, j'ai fini, j'avais 19-20, j'ai eu une job à Radio-Canada, à la radio à Vancouver, j'ai détesté ça. Puis je me suis retrouvé au Nouveau-Brunswick à faire du PS tendresse pendant peut-être un an. Puis j'ai une job à la télé au Nouveau-Brunswick à 22. On faisait une émission style Salut Bonjour, mais du Nouveau-Brunswick. Ça s'appelait Deux Bonheurs parce que c'était deux heures et c'était deux bonheurs. Deux bonheurs, deux bonheurs. Alors, les concepteurs... Deux bonnes heures. On avait les concepteurs... Hey, man, ma Switch à jeu de mots est en train de brûler. On n'avait pas un gros budget costume, on avait tout un budget concepteur. Et puis là, ben, de fil en aiguille, tu te retrouves en Abitibi. Ben, c'est ça, je me suis retrouvé en Abitibi. Après ça, après Moncton, je me suis retrouvé à Rivière-du-Loup, ensuite en Abitibi. Oh, merci, madame. Est-ce que c'est important. Est-ce que tu joues à Magic? J'ai longtemps pensé. À jouer à Magic. Depuis que tu. Quand on s'est rencontrés, Tommy, je me suis dit, faudrait vraiment que je me mette à jouer à Magic. Je suis rentré dans un magasin où ils vendent des cartes de Magic. T'as fait des démarches. J'ai fait des démarches. J'ai lu la page Wikipédia. J'ai commencé à lire la. Mais en fait, je l'ai pas commencé. La première fois, c'est supposé être gratuit, hein? Tu y as-tu dit? En fait, j'ai commencé à m'intéresser à Magic, c'est-à-dire que j'ai pas consulté la page Wikipédia de Magic, elle est ouverte dans mes tabs sur Google Chrome. Il y a un pas dans une certaine direction. Même qui est allé dans le magasin. Parce que moi, je crois à Magic. Je crois à notre émancipation notre émancipation collective pourrait passer par Magic. Et c'est ça, je vais commencer à m'intéresser à Magic. Je suis sur ton cas, man. Je suis content que tu m'en parles. Ça c'est, va un, être enregistré c'est pas un nom. Puis Martin va être content parce que lui, il adore ça. On passe au prochain, s'il vous plaît. Patrick Raymond. Salut, Tommy. Ta première fois à 70%. Eh oui, oui, oui. Tu t'es bien habillé, c'est beau. J'arrive de la job, là. OK, il faut ce qu'il faut. Tu nous parles de quoi à soir, toi? Ben oui, viens-t'en en arrière de ton petit pupitre. Moi, tu m'as dit, Pat, es-tu prêt? Genre, il manque du monde. Peux-tu venir faire une chronique sur une gosse? Fait que je me suis dit, ben, tiens, il va prendre ça au pied de la lettre. Je vais prendre une chaise, là. Tu vas pas dézipper tes pantalons, là? Non. Comment, moi, je n'auditionnerai pas pour une gosse, nu et célibataire. Là, je suis pas prêt pour ça. Oh, on est habillé pour les auditions. Je m'installe sur une gosse pour faire ma chronique. Oh. Et. Comment, était facile. Non, mais j'admire ta dévotion. Comment voilà, ça? Tu vois, t'as déjà une première pénalité de notre arbitre. Pourquoi? Je connais même pas les règles. J'ai juste été invité ici par une chronique sur une gosse. Arrête d'être frustré, tu vas en avoir une deuxième. Let's go, parle-nous de Bon. Fait que là, ma gosse, elle, là, est en train de me dire qu'en ce moment, elle haït les traductions françaises des films. Parce que, à toutes les fois que les maudits enfants, puis là, ils disent « Hey, les enfants », non, ils empruntent son nom, ils disent « Hey, c'est les gosses ». Fait que, à toutes les fois que t'as des enfants, puis dans un film français, t'es comme « Bon, ben, fais-moi de quoi sur une gosse, Chris? On n'ira pas faire des trucs louches sur une petite fille de 5 ans. Come on! » Moi, je prends ça de main. Ouais. On touche pas à ça, les gosses. Les enfants, on peut faire des trucs avec, mais touche pas aux gosses, à moins que je le demande. Il y a plein aussi de malentendus que tu peux avoir avec le mot « une pelote ». Ouais, aussi. Genre « pelage »,« pelote ouais, ». Ça... Et voilà, tu sais. Mais sinon, on m'a dit, c'est le temps des fêtes, puis moi, je suis quelqu'un qui recycle dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui emballe mes cadeaux de Noël dans les papiers journaux, d'habitude. Mais là, j'ai eu une plug, puis un ami m'a dit... « Hey Chris, j'ai une grosse pile de Allo Police. T'es-tu capable de faire de quoi avec ça? » Fait que j'ai commencé à emballer mes cadeaux de Noël dans des Allo Police. C'est fucking nice, man. Puis sérieux, à date, là, la réponse est très bonne. J'ai déjà commencé à donner des cadeaux au monde. Puis le monde, il porte plus d'attention à l'emballage qu'au cadeau en tant que tel. Tu peux lui donner un jeu de société, mais non, regarde, ils ne joueront pas au jeu. Ils vont lire l'emballage, puis ils vont dire « Hey Chris, avis de recherche, ça ressemble à moi, ça. Hey, c'est cool. Hey, devrait un photo police, un halo police. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Puis sérieux, c'est bon pour l'environnement. Puis autrement, tu sais, si tu n'as pas d'halo police ou de photo police, achète-en une coupe pour emballer tes cadeaux. Tes amis vont aimer ça. Puis ça donne des jobs à du monde qui n'aurait pas autrement. Fait que. J'ai entendu dire à une ou deux personnes. au moins, on a le halo police. C'est une institution depuis tellement d'années. Et voilà, puis il y a tellement de trucs fascinants là-dedans. Halo police. Pour tout savoir sur quelque chose. Ah, il y a tellement de trucs fascinants, man. J'ai trouvé des annonces de dildo, puis je me suis dit, hey, c'est une excellente idée pour emballer le cadeau de ma mère avec ça, tu sais. Tu sais, si vous connaissez ma mère... Ma mère, je dirais pas qu'elle est prude, mais je dirais que... En tout cas, elle laisse pas présager, mettons, qu'elle connaît grand-chose. Là-dedans, excuse maman, mais elle va comprendre. On la salue. On la salue. Salut, maman. Écrivez-nous si vous êtes sa mère. Hey, ma mère, c'est ma fan numéro un. Elle me faisait des pantoufles dans le temps de Super Méchant. C'était vraiment le fun. Elle faisait fret dans ton studio. C'est vrai, écrivez-nous c'est vrai. Si vous voulez des pantoufles. Picoté par sa mère. Fait que, ouais, des dildos. Fait que, tu sais, comme ça peut montrer. Hey, regarde, maman, à cette heure, tu sais, ils sont pas juste genre d'une shape. T'en as différentes shapes, différentes couleurs, différentes formes qui font toutes sortes d'affaires. Puis c'est tout écrit, genre, dans l'annonce de dildo. Fait que c'est super instructif. Puis même pour les enfants, tu sais, mettons, genre, un enfant qui dit « OK, mais pourquoi il y a des filles à moitié habillées, genre, en lingerie sur mon emballage? » Ben, c'est comme, ben, tu sais, elle fait comme dans un catalogue de Sears. Il n'y a plus de catalogue de Sears. Fait que là, elle fait ça, tu sais. C'est une job comme un autre. De parler de dildo avec sa mère. Ouais, puis genre de fille en lingerie aussi. Hey, il y a une annonce de princesse, fait que tu sais, c'est comme, t'as une petite princesse, une petite. Chris, t'as une petite nièce, là, puis elle cherche une job, puis elle est une princesse. Ben regarde, il y a le restaurant Princesse, là, qui offre des jobs là-dedans, là. Ouais. C'est parfait, man. Le fameux. C'est le fameux princesse. Ce qui nous amène à. qui nous amène à... Ben, c'est le fun, Chris. Emballez vos cadeaux dans la photopolice. C'est la suggestion mode de la semaine. Ouais, c'est vert, puis sérieux, ça vous évite d'avoir acheté du papier de Noël si vous connaissez quelqu'un qui a des vieux photopolices. Et voilà. Passez ça dans les cadeaux. Yes, sir, bonhomme. Merci. Bonne année. Patrick Raymond, mesdames, messieurs! Toi, ta mère, elle va bien? Ma mère, numéro un. T'as-tu déjà parlé de dildo avec elle? Non. Jamais. Jamais? Jamais. C'est pas un sujet que je voudrais aborder. Mais tout ça pour dire que moi aussi, j'ai déjà fait ma part pour l'environnement. J'ai déjà emballé mes cadeaux de Noël dans des vieilles cartes routières. Ah, c'est bon, ça. Tu vois? Ben oui, ben t'as l'air d'avoir été un petit peu partout. Fait que tu c'est ça, j'en ai quelques-unes, mais là, avec nos téléphones intelligents, maintenant qu'on a tout ça à portée de main, on n'a plus besoin on de, a plus besoin. C'est de vieilles cartes routières. C'est rendu un fardeau, ouais, ça s'accumule, puis ça ramasse la poussière, puis ça fait voilà. Tellement des beaux emballages originaux. C'est vrai, ben. T'es-tu prêt pour le prochain chroniqueur? Ouais. All right, on est prêt pour le prochain. Quel lancement. Oh yeah! Hey, t'as eu droit à Peter Gunn, man. Ah, t'es en legging. Je suis en legging aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je mets ça en dessous des pantalons, c'est moins froid l'hiver. Ok. Ah, aussi, mais là, ça veut dire que t'as enlevé tes pantalons aussi. Ouais, pendant le show tantôt. Les personnes n'ont remarqué. Là, détail, détail. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'étais venu vous parler du célèbre groupe Les Musclés. Les Musclés. Un excellent groupe français. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attarder à la carrière solo de Bernard Minet, un des membres des Musclés. Parce qu'on sait que Bernard Minet... Bon, je vous mets en contexte, les gens qui n'étaient pas là. C'est un groupe de musique français pour enfants. Puis c'est des hommes vraiment fantastiques. On n'a pas ça des gens de même au Québec. Et musclé. Bernard Minet, ce qui est cool avec ce gars-là, c'est qu'il a commencé sa carrière dans les années 70 comme batteur de Charles Aznavour. Puis là, il a fait un moment donné, s'est fait demander, Dorothée est allée le voir, veux-tu être mon batteur? Puis là, il a fait, d'accord. Puis là, il s'est ramassé à faire de la télé pour enfants. Puis après ça, il a plus jamais été capable d'avoir de carrière de musicien professionnel, mais il a fait des chansons pour enfants. Ben ça, c'est quelque chose qu'on va s'attarder là-dessus. Bernard Minet a chanté plus de, je pense, 40 génériques d'émissions pour enfants. Je vais en nommer quelques-unes, vite, vite. Il a chanté Bioman, Bioman 2, Bioman 3, Capitaine Flamme, Les Chevaliers du Zodiac, Les Bisounours, qui est la version française des Calinours. Le deuxième générique de Dragon Ball, Dragon Ball GT, L'École des Champions, G.I. Joe, le deuxième générique, Goldorak, le quatrième générique, Jeux 7 et Match, Juliette, je t'aime, Pokémon, Sailor Moon, en tout cas, c'est un champion, cet homme-là. Si, si. J'aimerais ça prendre un instant pour mentionner à tout le monde que les Calinours s'appelaient comme ça et non pas les Bisounours au Québec. Parce que bisoun ours, c'était pas pour passer. Ça faisait ton genre de câlin. Ah, c'est donc ça. Je pense que c'est moi qui t'ai appris ça en 94. Ouais. Là, je vous parle d'affaires. Vous avez probablement. Hey, c'était Dieu. Vous avez probablement jamais entendu une chanson de Bernard Minet. Alors, on va écouter le premier extrait. Et voilà, c'était quatre génériques de Bernard Minet. C'est très générique, On aime ça parce qu'il y a une grosse présence de Yamaha DX7, puis ça, dans une chanson, un Yamaha DX7, ça fait toute la différence. on remarque qu'il y a vraiment un high pitch dans sa voix qui fait vraiment sa signature. Un générique de Bernard Minette, tu passes pas à côté, t'entends sa voix, tu sais tout de suite, c'est lui. Ça, je trouve ça cool. Quelqu'un que genre, sa carrière, c'est de chanter des génériques d'émissions pour enfants. C'est comme... Moi, ma préférée de Bernard Minet, c'est la tonne de XR, le shérif. Oui, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez voir ça sur YouTube. XR, shérif de l'espace. Ah ouais, c'est, son domaine, c'est, bon. C'est notre voie lactée. Fait que, ah, c'est excellent. Lui, sa job, c'est de checker... La voie lactée. Ouais, ben c'est ça, parce qu'on, tu viens me parler des sujets récurrents, c'est tout le temps sauver la Terre, ben oui. La voie lactée, la paix, la guerre. Puis ces thèmes-là ont été réutilisés dans sa carrière solo, qui n'a pas rapport au dessin animé. On va l'écouter deux chansons de Bernard Minet en solo, pas en dessin animé. On remarque que Bernard Minet a vraiment un problème avec les hommes. C'est tout le temps de la faute aux hommes. C'est tout le temps, c'est les hommes qui se battent, c'est les humains le problème. Et il bâche ses amis, c'est comme pas bien ben correct. Mais c'est ça, c'est de la bonne musique. C'est vraiment, moi j'aime ça. Les gens disent que c'est pas bon. Là, t'as-tu comme fini, puis tu vas passer 30 secondes à essayer de nous convaincre que c'est bon? Oui! Hey, tu commences à me connaître, toi, mon petit coquin. Non, mais c'est pas mal ça, ce que j'avais à dire sur Bernard Minet, finalement. Mais allez le voir, là, sur YouTube, là. Il y a 1 million d'archives, c'est interminable. Il y a plein d'affaires sur cet homme-là. Il raconte un moment donné qu'il y a eu un beef avec Ségolène Royal, à l'époque. Parce que les dessins animés qu'il présentait étaient trop violents. Puis elle s'est comme fait une carrière là-dessus. Comme de dire, c'est violent. Pokémon était trop violent. Ouais, ouais, c'était violent. Ben, c'était un peu avant Pokémon. C'était okay. Genre Dragon Ball. Pis ces ben, affaires-là. Bioman, là, ça a commencé. Pis Dragon Ball. Fait qu'on va terminer ça là-dessus. Aimé Bernard Minet. Puis il m'a jamais répondu sur Facebook. Puis j'ai écrit 3 fois. Je la harcèle tout le temps. Merci. Ah ben, Simon Bortolance. Peut-être à Noël. Toi, mon Ludovic, avant qu'on passe au prochain, un flashback d'enfance comme ça, un cartoon que t'aimais bien gros? Un cartoon? Moi, je trippais bien gros, Robin, c'était là, mais c'était pas des cartoons. Non, mais ça marche, c'est c'était cool. C'était deux filles. Hey, ouais. Moi, je suis allé voir le Les show. Deux avaient 30 ans passés. Hein. Paraît que Disney aurait produit et diffusé ça en anglais si ça avait pas été Robin avait pas été une fille. Ben moi, tu comprends pas, j'étais dévasté quand j'ai appris que Robin était une fille. Ah ouais? Moi, je suis allé voir le show, parce qu'il faisait des shows en ce temps-là, les okay. Émissions jeunesse. Bon, il faisait des spectacles, salle André Mathieu à Laval, je dois avoir 5-6 ans, et ils me font monter sur scène. Et là, moi, je vais aller voir dans les loges après. Et j'apprends que, ben Robin, je demande à mon père, pourquoi Robin avait une robe de chambre de fille? Ouais, tu peux m'appeler Véronique, genre? France! Ben, c'est parce que France Chevrette. France Chevrette. La mère de Hugolin Chevrette, comédien bien connu qui fait beaucoup de voix, beaucoup de doublage. Le style chanceux. Puis, ouais, et mon père m'a dit, ben oui, mais c'est parce que c'est une fille. C'était fini. Ah oui. Ça s'est écroulé. Mais t'as-tu écouté des Robin Stella par la suite, ou? Je me rappelle. C'était plus comme avant. Non, c'était plus comme avant. Veux-tu qu'on en parle? Le lien de confiance était brisé. Et oui, je comprends. Mais exactement. Pour en revenir à ta question de petit bonhomme, moi, je trippais bien gros sur Capitaine Planète. Ah ouais, le hein? Gars avec la coupe longueuil bleu. Ouais, ouais, ouais. Il apparaissait tout le monde avait quand des les bagues. Jeunes se touchaient. Là. Ouais, ça, c'était ouais. Hot. Ou ceux qui faisaient du ski, là. Pierre et Sylvie, genre, ou je sais pas trop. Pierre et Isa. Ouais, c'est niché en esti, ça. C'était comme des champions olympiques qui faisaient du ski. Là, il y avait des méchants. Là-dedans. Là, OK, à chaque épisode, il faisait un saut en ski. Ben, je me rappelle pas, il faisait du ski. Ça faisait pas mal de ski dans ce coin-là. Ça faisait pas mal de ski. Je pense que ça s'appelle Pierre Reza. On va aller voir sur YouTube. Merci. For real, ça s'appelle Pierre Reza. On va passer au prochain. Lutin d'amour, qu'est-ce qui se passe? Ça... Noël ne serait pas Noël sans un conte de Noël, Tommy. Ooh. Et je sais pas si c'est possible, j'aurais une demande spéciale. Peut-être de continuer la toune en background un peu. Ce soir, je vous raconte une allégorie que j'ai appelée « Allégorie de la canne de thon » ou « Comment Bourdieu a gâché mon Noël ». Je vous mets dans un lieu de supermarché. Là où tous les prix sont plus chers que le compétiteur. Nos personnages, nous avons une famille de pauvres. Nous avons un couple de parvenus et un grand capitaliste. Premier acte. L'histoire commence lorsque la petite Magaliane, habillée de haillons, demande à ses parents l'avant-veille de Noël. « Maman, papa, j'aimerais manger des pâtes au thon. » Alors les parents décident de s'habiller, de braver le froid et d'aller au supermarché le plus près et le plus cher. Arrivent devant l'allée des cannes de thon. Regardent les cannes de thon de multiples marques, de multiples prix et décident de prendre la canne la plus chère. Parce qu'il n'est pas question, Magaliane, que les gens sachent lorsque nous mangeons notre pâte au thon que nous sommes pauvres. Deuxième acte. Le couple de parvenus arrive au supermarché car ils ont invité des gens à souper chez eux et avaient le goût de faire des sushis. Ils se rendent à l'allée de la poissonnerie, regardent l'étalage, posent des questions aux poissonniers et se rendent compte qu'il n'y a pas de poisson, de thon, de pêche équitable. Alors décident de rebrousser chemin et de commander au restaurant. Troisième acte. Le grand capitaliste qui passait par là, car il devait faire une étude de marché, se rendit compte que, les gens, ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est des cannes de thon un peu trop chères. Et c'est cette idée qu'il garda en lui et décida de donner des cannes de thon à tout le monde, de continuer de faire une pêche extensive pour vider les océans et garder le bon poisson pour lui-même et ses amis. Quelle est la morale de cette histoire, Tim? Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Absolument rien, c'est juste une anecdote. Statistiquement, ça vaut fuck all. Fait que là, si on n'arrête pas de catégoriser le monde selon ce qu'il achète, ce qu'il mange, ça, on mènera rien dans la vie. Fait que pour Noël, soyez un peu plus ouverts d'esprit, s'il vous plaît. Merci, Lutin. Merci. Merci. Bravo, Lutin. Ça... Merci aux douchebags qui ont très bien gaulé. C'était très approprié. Ça va bien vieillir. On est prêt pour le dernier. On finit ça. Un homme de Wichita, au Kansas, qui habite devant une école primaire, passe ses journées assis sur sa galerie avec son gun dans les mains. Les parents de la communauté ont commencé à s'inquiéter quand une photo de l'homme a commencé à circuler sur les médias sociaux. L'homme qui souhaite n'être identifié par le nom de Kyle, affirme qu'il y a un malentendu. Il est un chasseur et aime simplement s'asseoir sur la galerie avec son gun. Il pratique le Second Amendement et affirme que le fait de posséder une arme à feu ne fait pas de lui une mauvaise personne. Hey, cet amendement-là, là. Calisse, l'amendement, je marde. L'amendement. Let's go, next. Eric Shepler de Steelton, en Pennsylvanie, a été trouvé sur le sol par des policiers affirmant qu'il avait besoin d'aide médicale. L'homme de 37 ans affirme avoir été attaqué par des voleurs et ne pas se rappeler des 12 dernières heures. Malheureusement pour lui, une vidéo de surveillance dévoile qu'il est sorti d'un bar avec une autre femme 12 heures auparavant. Lorsque la police a retracé la femme, elle aura confirmé qu'il a fini la soirée chez elle la veille. L'homme a été arrêté pour fausse déclaration à un agent de la paix et va se faire parler dans le casse en arrivant à la maison. Oh, le vilain! Et finalement, Au moins 8 personnes sont décédées et 10 ont été hospitalisées suite à un empoisonnement à l'alcool après avoir bu une lotion de bain contenant de l'alcool dans une ville de Sibérie. Les bouteilles venaient avec une mention pour usage externe seulement, mais en Russie, externe, ça veut dire « fuck you ». Une enquête a été ouverte où on suppose que la police découvrira que la Russie a un des plus hauts taux de consommation d'alcool chez les hommes et conséquemment l'un des taux de longévité les plus bas. C'est ça. 8 morts. 8 morts. Et 10 sont morts avec personnes hospitalisées. Mais en Russie, moi, j'ai déjà entendu dire que les gens mettaient de la vodka dans leur distributeur de lave-glace plutôt que du lave-glace parce que c'est moins cher. Puis ça revient au même. Puis ça gèle de l'alcool. La vodka pure gèle à, je sais pas, moins 20. C'est donc bien hot, ça. Ouais. C'est pas pire à Christ. Quand la vodka cheap coûte moins cher que le lave-glace bleu. C'est bon, ça. Puis vous savez aussi, un bon truc là, pour les jeunes, là, du Purel dans les yeux, là, ça gèle en tabarnak. Ah ouais, ça y est, ça. Ah. Ça va te taper, man. Tu veux les sous. Là. Écrivez-nous. Je vais l'essayer à la maison. Ah ouais, écrivez-nous. Ouais. Fais ça, déjà essayé. Man. Fais ça. Ça nous amène à la fin de 70%. Dans quelques instants, Ludovic, on va lui laisser la scène avant de passer à nos deux VJ, le lutin ambivalent et Sarah Paquette. Merci à tout le monde. Merci aux douchebags. Un grand merci à nos techniciens, Alex et Mathieu. Merci à Céréal Keller, tous les chroniqueurs, Jonathan Simon et surtout Ludovic Bourdage. Et merci à vous, public. Merci. Rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomic Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. C'est à moi? OK. Alors, Q, je vais me mettre un peu plus au centre. Alors, en terminant, j'ai pour vous le top 10 des meilleures citations et des meilleures anecdotes avec clip de la saison 1 de Célibataire et nu Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Alors, en primeur, je peux vous annoncer que demain, nous sommes en pitch chez V et Musique Plus pour une saison 2 de Célibataire et nu. Alors, un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Alors, malheureusement, pour ce qui est de la dixième clip, je n'ai pas l'extrait sonore, puisque on n'a pas entendu ça. Et ce qu'on appelle, on a besoin des droits pour avoir un extrait. Donc, le top 10, donc le dixième, ça commence avec, je vais vous le mimer, Yann Mouchla. Ça, c'est la première émission, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un pauvre Brésilien qui a fait une rencontre, disons, mordante avec la nature québécoise. En fait, ce qui est arrivé, c'est que lui, pendant son tournage, évidemment, on est complètement nu, en plein été, et on se met du d'écran à mouche un peu partout. Et souvent, c'est moi qui devais l'appliquer, puisque j'étais au tournage dans le dos, évidemment. Et évidemment, on n'avait pas couvert la partie pubienne du dit Brésilien. Alors, il s'est fait piquer pendant son activité, donc pendant qu'on tournait. Donc, on ne pouvait pas intervenir là, pour enlever la mouche. Et c'était une mouche à chevreuil. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas la faune québécoise, la mouche à chevreuil n'est pas celle qui pique, mais celle qui enlève un petit bout de chair. Alors, notre jeune Brésilien s'est retrouvé avec une enflure qui lui faisait comme deux glands. Donc, il y avait un... un petit chou-fleur. Et je l'ai vu de près, ça faisait très peur, et je lui ai tendu un petit bol de glace avec lequel il se promenait pendant peut-être une vingtaine de minutes. Je lui ai même donné du afterbite pour mettre sur son... je ne l'ai pas appliqué, par contre, pour ceux et celles qui se posaient peut-être la question. C'est pas moi qui l'ai appliqué, je lui ai donné sur son doigt et se l'est appliqué. Faut dire que deux fois, c'est arrivé deux, ben, ça c'est la première, mais deux autres fois, donc trois fois où j'ai dû être infirmier et préposé aux bénéficiaires au cours de Célibataire et nu Québec saison 1, on avait un candidat qui était friand des stéroïdes. Pour ceux et celles à la maison qui ne savent pas, on peut les injecter soit par la bouche ou encore se piquer dans une fesse. Lui était amateur de la deuxième façon. Et ce que j'ai appris de mon expérience à Célibataire et nu, c'est qu'il y a plusieurs candidats qui étaient adeptes des stéroïdes. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il faut faire des cycles. Hein? C'est seulement quelques semaines à la fois qu'on fait des stéroïdes. Et lui, on faisait à l'année. Donc, ce qui lui donnait de belles pustules mauves, pourpres, dans le dos. Et après son activité de massage, il avait le dos enduit d'huile à massage et était dans la douche, le pauvre perdu. J'ai besoin d'aide. Mon dos est tout huileux. Qui veut bien m'aider? Qui était là pour aider? Alors, voilà, j'ai massé ses pustules et c'était assez dégueulasse. Merci. Et une autre jeune femme, elle voulait du fond de teint parce qu'elle avait une vilaine tache blanche, selon ses dires, dans le dos. Ça prenait du fond de teint pour égaliser le tout, pour avoir un beau teint, étant donné que nous n'avions pas de maquilleuse sur le site. Donc, il fallut que je lui enduise du fond de teint. Alors, mais cet adepte des stéroïdes, il faut dire que c'était un individu assez particulier, m'a avoué de façon tout candide qu'il était, qu'il suivait une trithérapie. Alors, une trithérapie, pour ceux et celles à la maison qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand on est atteint du sida ou qu'on ne veut pas être atteint du sida, on suit une trithérapie préventive dans son cas. Donc, lui se vantait qu'il ne pouvait pas prendre il ne pouvait pas pogner le sida puisqu'il prenait des médicaments de trithérapie qui doivent avoir un bon effet sur l'organisme et qui sont peut-être à l'origine de ces pustules combinées à ces stéroïdes. Bon appétit à ceux qui mangent des nachos. Alors, pour celle-là, j'ai une clip. C'est un professeur de yoga de Québec. Alors, chacun a des qualités. Lui est un amateur de bourse et de voyage astral. On peut l'écouter. Dis-moi, qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Physiquement, c'est sûr que j'aime ça, une fille qui est belle, bronzée. Ah, c'est pas la bonne clip. C'était la clip numéro 9. Ils sont tellement clichés. Alors, est-ce qu'on peut entendre la clip numéro 9, s'il vous plaît? Moi, j'aime les filles qui sont belles. Es-tu disparu pour vrai? Moi, pour ma part, j'ai connu des voyages astro vraiment au-delà de l'imaginaire. Je dirais que c'est impartageable, indicible. Ça ne peut pas se partager en mots. Il était pas là, ça c'est certain. Moi, je trouve juste que c'est drôle le fait de voir qui est là, qui est pas là. En fait, c'est tellement drôle voir qui est là, qui est pas là. On a eu de belles déclarations profondes de cet individu. Petite anecdote sur cet individu-là, un gars de Québec qui est venu en Uber jusqu'à Eastman. Il est venu, je ne sais pas comment ça lui a coûté, mais il est venu en Uber et c'est un végétarien. Et lui, pendant une activité, évidemment, ça a été coupé au montage, mais lui a mangé la tête d'une grenouille. On jouait à « Je n'ai jamais ». Et il y avait une grenouille là, dans la piscine et il a dit « Ah, ben on pourrait jouer à « Je n'ai jamais mangé la tête d'une grenouille ». Et lui a mangé la tête de la grenouille. Il se disait ami des animaux, végétarien. Il lui empêchait de souffrir dans le chlore de la piscine. Donc, a décidé tout bonnement de lui arracher la tête avec ses dents. Et il a recraché le cadavre dans le dos d'une participante complètement nue. Un bon moment. On a coupé son montage, évidemment. Malheureusement. On avait des candidats de tous les âges pendant Célibataire et nous. On avait notre candidat le plus vieux avait 71 ans, Notre plus jeune, 18, ça aurait pu donner lieu à des spéciaux, ma foi, peut-être un peu farfelus. Peut-être un spécial Sugar Daddy. Mettons un gars de 68, fille de 22. Ça aurait fait un pas pire spécial. Ou une fille de 53, gars de 25. Ça aurait été bien. On aurait pu faire un spécial nain aussi. Ça, ça aurait peut-être été bien. Est-ce qu'on a des nains dans la salle par applaudissement? Spécial Angry White Man. Et il y avait peut-être un spécial Bordeaux qui aurait été intéressant. Ça aurait été 6 gars qui se rencontrent mutuellement. Mais dans notre spécial, le plus vieux, on avait des candidats de 40-45 ans. Notre plus vieux, notre doyen de l'émission, avait 52 ans. Et il avait ceci à répondre quand on lui a demandé s'il avait des enfants. Clip numéro 8, s'il vous plaît. Est-ce que t'as des enfants? Non. T'as pas d'enfants? J'ai pas d'enfants. Est-ce que c'est un choix personnel? Non, ils ont tout emballé. C'est bon, ça! Elles les ont toutes emballées, les vilaines. Envaler et non avaler. À l'épisode numéro 10, nous avions une candidate qui nous a expliqué quelle était la cause de sa séparation. Après un compte. Oups. Attends, je vais mettre le bon extrait. Là, c'est ma faute, c'est mon téléphone. Ah, voilà, la voici. Ça, ça m'a fait rire que quand j'ai demandé c'était quoi la cause, pourquoi qu'elle était plus avec, puis elle m'a dit son chien, à cause des chiens. On s'est acheté un chien ensemble, moi j'avais déjà ma chienne, puis quand on a eu notre portée de chien, 10 chiots d'un 5,5, c'était pas facile. Pour les chiens, je pense que c'est une première pour moi, ça. Je me couche, puis mon chien fait la cuillère avec moi. OK. Et les chiens, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, c'est toute ma vie. Le mot chien, ça l'a pas dit 50 fois, elle l'a pas dit une fois. Alors, à ceux et celles qui doutaient peut-être de la cause de la séparation, c'était son chien. Son chien! Son chien! Donc, cette fille-là, elle avait peut-être bu trop de vin ce soir-là. Et ce qui est assez spécial, c'est qu'elle s'est étouffée non seulement avec son vin, avec sa gorgée, mais elle l'aurait craché par le nez. Et je l'ai retrouvée nue. J'ai un petit anecdote. As-tu du temps, Tommy, pour une petite anecdote avec cette fille-là? On la salue d'ailleurs. Écrivez-nous si vous nous écoutez. Cette fille-là, après cette aventure-là, est allée prendre sa douche. Et comme je supervisais les candidats, j'étais avec un autre candidat au sous-sol et je m'en vais voir si tout va bien de son côté. Parce que, bon, elle avait un petit peu bu ce soir-là. C'est une journée assez chargée. Donc, je vais voir si tout est correct pour cette candidate-là, voir si elle a repris ses esprits étant dans la douche. Là, après 45 minutes que j'entends l'eau couler, bon, ben, je monte voir parce que, bon, on sait bien que c'est le fun, une douche quand même de 45 minutes, mais c'est un peu long. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait une balnéothérapie? Est-ce qu'elle se prépare pour son audition pour le spectacle haut? Est-ce qu'elle essaie la pomme de douche vibromasseur? On ne sait pas. Pourtant, la douche du chalet était vraiment à chier. Là. Une gouttière qui coule, c'était plus généreux que ça en termes de dose. Ça coulait plus que ça. Donc, je cogne sans réponse. Et là, comme la présence de Tommy à un souper presque parfait, mon intervention était nécessaire. Alors, j'ai pris une petite tige de métal pour essayer d'ouvrir la porte de la salle de bain. Et je me sentais un petit peu comme MacGyver, là. J'ai réussi à débarrer, comme si j'avais réussi à débarrer un sous-marin russe avec deux tambourines et un Joe Louis. Et là, je trouve la fille accroupie, tout nue, dans le bain comme ça, sans connaissance. Hey, faut être chaud raide pour avoir un sommeil paisible et réparateur nu dans le bain avec l'eau froide qui nous coule à côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé le micro. Je vais le prendre dans mes mains, ça va être un peu plus facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, bon, évidemment, fermé l'eau. Ensuite, je l'ai secoué, prendre sa température, voir si tout est correct. Finalement, elle avait un pouls. J'ai pris son... OK, on a un pouls, c'est parfait. Je l'ai sorti du bain. Là, je l'ai cogné un petit peu sur le cadre de porte. Mais bon, comme étant sans connaissance, j'avais seulement le risque qu'elle se réveille. Malheureusement, c'est pas arrivé. Finalement, je l'ai couché, je l'ai bordé. Puis j'ai donné deux Tylenol et un verre d'eau. Donc, C'était, imaginez ça qu'elle raconte ça à la police après ça. Ouais, il y avait un gars, là, genre Lumber Sexual, Duck Dynasty, avec des grosses épaules, mais des petits mollets, avec des cheveux parfaits, qui est venu me secourir la nuit. Un petit peu étrange. Alors, on est rendu au numéro 6, monsieur le technicien. On a une candidate qui nous raconte comment elle s'est retrouvée à l'urgence. Je me suis déjà disloqué la mâchoire en suçant mon ex. Ça y allait fort. Alors, soit un manque de technique flagrant ou son ex était très bien membré. Et il y a une infirmière qui m'a raconté, une candidate qui était infirmière, qui m'a raconté qu'on en apprend, on en voit de toutes les couleurs à l'urgence. Elle m'a avoué avoir eu un patient qui avait deux crayons de cire, non pas un, mais bien deux crayons de cire, coincés dans l'urètre, oui! Moi, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu dis à un, à Chris, ça rentre. Hey, en tête un deuxième. Des piles AA. Ah, c'est spécial. J'ai entendu une clé USB aussi. Et dans l'anus, une aubergine. Alors, on salue les fans d'aubergine et bon appétit, hein, tout le monde. Mais celui qui a été le plus payant dans Célibataire et Nu Québec, c'est bien dans le deuxième épisode, un certain Loïc de Sherbrooke, qui sera certainement au bye-bye, qui a été extrêmement payant dès ses premières minutes. Extrait numéro 5, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas verser une bière sur les gens. La bière, c'est collant, puis la bière, ça pique dans les yeux. Elle m'a vidé de l'eau dans sa tête, j'avais tout mis de la pâte dans mes cheveux, tout. Ça m'a décoiffé devant la caméra, je l'ai mal pris, j'ai versé la bière. C'était pas vraiment intelligent, mais des fois, je fais des actions sans penser. Ah, on fait des actions sans penser, mais moi aussi, avec mes cheveux de prince, si on me décoiffe, c'est de la bière d'en face. Mais faut pas oublier que Loïc, c'est un gars très discipliné. On a eu droit à meilleure connaissance de son hygiène de vie. Extrait numéro 4, s'il vous plaît. J'aimerais savoir une carrière de mannequin. OK. Mon corps, c'est comme c'est vraiment important pour moi. Le gym, c'est 6, même des fois, à chaque jour. Après ça, le bronzage. Bronzage, ça fait découper, salon de bronzage, dehors, tout. Le gym, le bronzage, mes cheveux, c'est aux 2 semaines, c'est pas compliqué. C'est aux 2 semaines, c'est pas compliqué. Toi, Tommy, aux 2 ans? Le gym? Comment tu benches, Tommy? 200, c'est bon. Moi aussi, je m'entraîne. M'entraîne un paquet, des fois 2. Merci. Merci. Merci, merci. Je serai là toute la soirée. Essayez le veau, c'est excellent. On est rendu déjà au numéro 3. Donc, Loïc, encore une fois, sait ce qu'il veut. Il ne déroge pas sur... Il sait ce qu'il veut en termes de critères. Il y a des critères bien précis pour trouver la femme idéale. Et ne, surtout, ne déroge pas de sa ligne. Il n'est pas très élaboré. On peut écouter l'extrait numéro 3, s'il vous plaît. Femme idéale, bien, physiquement, c'est sûr, moi, j'ai des critères vraiment hauts. Il faut qu'elle soit vraiment belle physiquement. Sportive, des seins, mais je veux qu'ils soient quand même assez gros, hein, je te dirais. Toi, qu'est-ce que tu recherches? Ben, une fille assez belle physiquement, que je pourrais avoir une conversation avec. C'est belle physiquement, ça, c'est dans mes critères depuis toujours. Et en audition, on lui a demandé « Qu'est-ce que tu recherches comme fille? » Ben, il nous a dit « Ben, belle physiquement, avec qui je peux avoir une conversation. » Alors, un gars élaboré, mais quand même qui reste à sa ligne. Et il nous a donné la phrase célèbre de 2016, je crois, à Célibataire et Nu Québec. Extrait numéro 2, s'il vous plaît. Non, ça va être un peu tout-toune. Physiquement, c'est pas vraiment le genre que je recherche. C'est plus une fille. Moi, je cherche une fille bronzée, musclée, des gros tétons, peut-être à 10 000. Puis... Des gros tétons, puis un kit à 10 000. Alors, ceux et celles qui ont une bonne marge hypothécaire sont les bienvenus. 5 000 par téton, oui. On peut faire le premier, puis après ça, le deuxième, si jamais on a des bons résultats. Mais ce n'est pas ma clip préférée. Mon extrait numéro 1, mon number one of all time, revient à Ozzy, ce Mexicano-Québécois. J'ai parlé à sa mère, parce qu'il n'y avait pas de cellulaire qui fonctionnait, et sa mère m'a suggéré de ne pas le retenir. Elle ne voulait pas qu'il participe. Il a donc participé. À l'épisode numéro 11, il nous a livré une des répliques les plus savoureuses de toute l'histoire de la première saison de Célibataire et nu. Extrait numéro 1, s'il vous plaît. Dis-moi, qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Physiquement, c'est sûr, j'aime ça une fille qui est belle, bronzée, avec des tatous, avec des beaux totons, puis les cheveux longs, une belle noune. Et une belle noune! Une belle noune! Alors qu'on ne pensait pas aller aussi bas, on y est allé. Alors voilà, rendez-vous avec V-Media demain pour la saison 2, pour l'an prochain, être assis à la même place et vous offrir des répliques aussi savoureuses que divertissantes à 70%. Merci beaucoup. Merci. De toute beauté, merci beaucoup. Ludovic Bourdage, allez le suivre sur son Facebook, Paul Toussignan, là. Donc, à partir de maintenant, je baisse l'écran. À doudou.org, d'habitude, c'est les films et les clips qui prennent le dessus. Et à partir de maintenant, on vous offre un Noël tout à fait magique. On a la lutine la plus motivée que je connais et le lutin le moins motivé que je connais. Les deux ensemble devraient nous produire quelque chose d'assez bonne qualité. On va sortir les projectiles tranquillement. À partir de maintenant, on se reparle dans 2 heures pour parler de Projet Romulus 2. Merci Ludovic. Bon, ouais, let's go. Salut à vous autres les gars, Philippe Godette, David Simard et Marc Nouvellement Fantôme Lebel. Merci. Ben merci Tommy. Ben là, c'était plaisant. Ouais, c'était sympa. Tom. On est content d'être venu donner notre 70%. Oh, bien placé! Ils sont complètement fous. C'est bien trop haut, ça. Et puis il y a des bulles, en plus, je sauterai jamais là-dedans, moi. Ben non, inquiète-toi pas, Greg. C'est pas dangereux. Laisse-moi faire ça, je vais monter. Avec toutes ces bulles, on se croirait à l'aquapark. Mais en réalité, nous sommes au centre Claude-Robillard. C'est ici que s'entraînent les meilleurs plongeurs montréalais. Jonathan plonge depuis quelques années et grâce à l'aide de son entraîneur, Michel Larouche, il s'est classé 3e au Canada dans la catégorie des 14-15. Tous les jours, Jonathan plonge donc dans les bulles. Mais t'as pas peur de plonger, non seulement que c'est haut et c'est profond, ouais, mais en plus, il y a des bulles. Ça sert à quoi, ces bulles-là? Les bulles, c'est plus sécuritaire. Lui, de prendre un flat, comme on dit, ben ça va amortir la chute, là. On va avoir beaucoup moins mal. Pourquoi ça fait ça? Parce que il y a de l'air qui sort, puis ça rend l'eau moins flat. Puis ça fait comme... On enregistre. Bonjour, mon nom est Tommy Godette, animateur et idéaste de 70%. J'aimerais prendre quelques instants pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes et vous rappeler que c'est le temps idéal si vous avez un ordinateur qui sert à rien chez vous, qui est capable de runner Windows XP ou qui est quad-core, ou si vous avez une caméra avec une sortie HDMI. C'est le temps de la partager avec des plus démunis que vous, c'est-à-dire moi et mes copains de douteux.org. Joyeux Noël! Moi aussi, il faut que j'en fasse une. Salut, je suis Mathieu de 70%. En cette période de magie, j'aimerais souhaiter à tous les constipés et à ceux qui le seront un jour, cordialement, aller chier. Je suis pas Jésus, puis j'accepte les shooters. Et voilà, merci. C'était pour les productions podcast. J'espère qu'ils vont être heureux. Qu'est-ce que t'en penses, Ludovic? C'était des souhaits très sincères. Et donc, à partir de maintenant, mon nom est Tommy Godette, encore une fois. Je vais être votre hôte pour cette soirée. Le meilleur show gratuit du lundi au monde, c'est sûr et certain. On va terminer ce soir avec le film de Noël de cette année. Je suis vraiment content que ce soit ça qui ait gagné au vote. On vote sur notre page Facebook, dans un groupe très, très secret. Et le film qui a gagné, ça s'appelle Projet Romulus 2, version française de Project Shadow Chaser 2. Et ça, là-dedans, il y a un cyborg nucléaire qui vient kidnapper un hôpital avec une bande de terroristes vraiment trop tight, genre. Et il y a un concierge à la retraite alcoolique qui va décider de revenir dans le tas et tuer tout le monde. Donc, on reconnaît vraiment un scénario à la Die Hard. Et en plus, ça se passe à Noël. Le Père Noël va mourir dans le film. Ça va être magique et très beau. On est content que vous soyez avec nous. On commence le film vers 21h45, 22h, selon moi. Juste avant, on a deux VJ de Noël. On a notre ami le lutin ambivalent, qui devrait être semi-dépressif dans un coin. Essayez pas de le chatouiller, ça lui enlève sa puissance. Sinon, on a aussi Madame Sarah Paquette, notre webmestre, qui nous a amené de la magie de Noël en tant que VJ. Ça devrait être une très belle aventure de 2 heures. Juste avant, il va y avoir notre invité Ludovic Bourdage qui va être en fait interviewé à 70%. On le voit là, il est barbu et à l'aise en public. Le gars va nous faire une petite présentation parce que vous allez le découvrir. C'est un gars qui a des anecdotes à raconter malgré son 25 ans fringant, quelque chose. 29, et voilà, ça va vite. Donc, juste avant, 70%, on va avoir des anecdotes et tout et tout. Et pour commencer la soirée de ce dernier enregistrement, spectacle de ce dernier lundi avant la magie de Noël du 25 décembre, mais s'il te plaît, GF dénommé, mesdames, messieurs, on l'applaudit. Ben oui. That's it, Tommy. Come on. Un plus de monde. Pour Tommy, come on. That's it, Asti. Non, Chris, je veux que le monde t'applaudisse, tu fais tabarnak. Je vais te frapper, mon est. Bon, moi pour Noël, j'aimerais ça que Tommy arrête de marceler sexuellement. Après ça, ça arrêtera jamais. Ouais, non, j'aime ça, Tommy. Non, pour de vrai, je suis venu vous jaser de... Chris, j'ai même pas commencé. C'est bon. Non, pour vrai, je suis venu vous jaser d'un truc, d'une couple de trucs que je veux tester. Pour vrai, il faut être soi-même, hein, dans la vie. Ouais, faut être soi-même. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a juste un petit problème, juste un petit truc qui gosse un peu. Il y a trop de caves. Il y a trop de caves qui s'assument comme des caves. Ils sont comme « Ah, ben je suis comme je suis! » Oui! Tu sais, ça marche pas comme ça dans la vie. Genre, faut être soi-même. Tu fais quoi si t'es un enculé au naturel? T'es comme « Ah, chérie, j'ai brûlé ton sofa, j'ai chié dans le bain, puis j'ai sommé 2000 chiens. Yeah! » Ça, j'ai vraiment mal articulé cette phrase-là. C'est pas grave. Encore. Non, pour de vrai, genre, il y a trop de monde comme ça, puis il faut pas tant être soi-même que ça, puis c'est pour ça que les trop bonnes personnes, moi, ils me font peur. Je me méfie des bonnes personnes, pour de vrai. Depuis que j'ai vu Dexter, je capote. Puis ça, Dexter, si t'as jamais vu ça, c'est comme l'histoire d'un psychopathe que la nuit, pff, il t'arrache une jambe, puis dans le jour, il chante du marimé au karaoké. C'est à peu près ça, Dexter. Mais non, pourquoi les trop bonnes personnes m'énervent en plus parce qu'ils me font sentir comme si j'étais une grosse marde. Tu sais, puis même pas, je suis pas tant un trou de cul que ça. C'est juste que j'en fais pas tant que ça, là. Tu sais, comme je recycle, je lave mes bas, je salue les itinérants, mais j'ai pas d'argent. Tu sais, j'en fais pas tant que ça. Tu sais, je sais, mais non, mais je les trouve nice, les itinérants. Par contre, moi, j'en ai pogné un l'autre fois. Il était vraiment bon dans l'itinérance. Il était vraiment sacoche. Il vendait des mauvais conseils. Il était malade. Je suis allé le voir. J'ai dit, regarde, j'ai de la misère à me lever le matin. Il m'a dit, OK, man, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu prends poudre, crack, héros. Après ça, tu te mets à questionner sur ta vie. Tu te dis que tu penses au monde qui souffre sur la planète. Tu penses aux enfants qui meurent. Tu penses que tu n'auras pas d'enfants. Après ça, tu te ramasses dans la rue comme moi. Puis après ça, là, tu auras plus de misère à te réveiller parce que tu ne pourras pas dormir, man. Puis pour vrai, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai zéro essayé, mais je pense que l'enculé m'a jeté un sort. Je sais pas pourquoi. Là, je tremble la nuit, j'ai un peu peur. Je sais pas, il est inquiétant, ce style-là. Non, après, il y a des itinérants, c'est des mangeux de marde aussi. Moi, ça m'énerve. Tu sais, les itinérants qui t'envoient à chier et ont de l'attitude. Moi, ça m'énerve quand je viens de donner 2 piastres à un de leurs collègues. Je suis comme, yo, je crois au projet, man. J'ai encouragé ta compagnie avant. Mais. Puis là, eux, ils te manquent de respect. Moi, pour vrai, moi, ça m'enrage vraiment. J'ai juste le goût de pogner 5 piastres, le donner à un de mes chemins itinérants pour qu'il crisse une volée. Puis après ça, il donner 2 piastres à lui pour qu'il se laisse crisser une volée. Puis dans un monde idéal, il tombe dans le cadre puis je ramasse le 2 piastres. C'est ça. C'est pour ça que je fume du weed, sinon je serais en prison. En fait, ça me rend plus calme par rapport à ça. Non, mais pour vrai, c'est dangereux quand je fume du pot parce que je suis vraiment allergique au pot. Chaque fois que je fume, j'ai les yeux rouges, je me sens weird. Là, le monde me dit « Ah, t'es gelé! » Je suis comme « Non, j'ai des allergies, donne-moi une poutine, à des réactines! » Je veux... Non, mais pour des raisons, je vais faire un petit changement de sujet. J'ai réalisé que j'ai regardé beaucoup de pornographie. Moi, puis l'affaire, c'est que je me masturbe pas en regardant de la pornographie, vraiment, mais j'ai écouté beaucoup trop de pornographie pour quelqu'un qui se masturbe pas en regardant de la pornographie. Tu sais, je vois, c'est un loisir. Moi, j'écoute ça, je sabole, c'est des belles images, j'aime l'histoire. C'est... Je trouve ça nice, je sais pas. Non, mais pourquoi? Puis j'ai commencé à pousser Internet le plus loin possible. Puis même pas pour trouver des trucs dégueulasses, juste pour trouver des trucs weird. Puis pourquoi je suis tombé sur des affaires étranges? Là, t'as des fétichistes de nez. T'as une fille, elle est vraiment sexy. Une fille, elle est là comme ça, elle se fait doigter le nez, puis à la fin, elle éternue. C'est malade, elle squirt de son nez, puis c'est super sexy. C'est weird. Mais sinon, mais mes préférés, sinon, c'est les arbrophiles. Fourrer les arbres. Fourrer des arbres, vraiment, fourrer des... Mais non, en même temps, ça sonne vraiment étrange, mais c'est vraiment plus sécuritaire que le sexe normal. Tu sais, avec le sexe normal, tu peux pogner une MTS, tu peux pogner le sida, puis tu peux en crever. Si tu couches avec un arbre, tu peux pogner une écharde, mettons. C'est moins pire. Ça fait mal, mais c'est moins pire. Non, mais pour vrai, un arbrophile dans le temps des fêtes, ça doit être génial. Lui, il a juste hâte d'enlever les décorations du sapin. Il garde les boules, c'est sûr, il garde les boules du sapin. Mais c'est fou pareil, là. Il fourre des arbres. Moi, ça me fait, c'est où je m'en allais avec ça? Non, non, c'est ça. Non, imagine un père de famille qui trompe sa femme avec le sapin dans le salon. Tu sais, elle doit tellement se sentir mal. Pauvre femme, pauvre vrai. Comment tu te sens après que ton chum t'aille crissé là pour un boulot? Mettons. Je sais pas, tu dois te sentir cheap. Je sais pas. Puis je vais juste vous laisser sur un petit liner, sauf que ça n'a rien à voir. Mais des fois, quand je dors puis que je pète, ça me réveille. Puis quand mes yeux s'ouvrent, mon anus se ferme comme s'il voulait pas que je le sache. Comme, mais moi, en tout cas, c'était juste ça. Merci tout le monde. Vous écoutez Radio H2O. C'est quoi Radio H2O? C'est un flot d'informations. Ça coule, si ça part. T'en veux-tu de l'info en blanc? OK, on la recommence. OK, moins énervé, s'il vous plaît. Arrête cette musique-là, ça me gosse en tabarnak. Merci. Êtes-vous en forme? Brouhaha, comment vas-tu? Génial, on s'en calisse un peu. Nous autres, on est un organisme à but non lucratif, fait que premièrement, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort les gens qui ont fait cette soirée, c'est-à-dire Tommy, Colin Vallée et Sarah Paquette, la délicieuse. Des VJ incroyables. J'aimerais vous présenter Man Vanna White de la soirée et la vôtre, Eric Carmen. Il a écrit des chansons dans sa vie. Allez sur Internet. Et l'organisme à but non lucratif, qu'est-ce que c'est ça? C'est que du monde qu'il faut qu'il quête de l'argent pour survivre. Donc, on fait un encan. Des choses inutiles, des choses qui me gossent, des choses qui valent rien, mais... on va commencer avec le premier lot qui est McFarlane. Ça vient de McFarlane, le type des BD. Balloon Boy 8 bits. Moi, je ne sais pas c'est quoi exactement et c'est très. Ça encombre. Five Nights at Freddy's. C'est ça. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est... Levez la main, ceux qui savent c'est quoi. Ta gueule, Sarah. C'est. Je sais un peu c'est quoi. On s'en va quelque part. Alors, je pars ça à une pièce. C'est mint. Tu fais ce que tu veux avec. Calisse-toi dans le cul. Je pars ça à une place. Une pièce. C'est squishy. C'est des Lego dans le fond, je pense. Tu m'écoutes-tu ou tu me donnes-tu une pièce? Deux pièces, tu pars avec. Est-ce qu'on me donne $1 pour ça? Trois fois? Fait trois fois, je te dis. Ouais, mais c'est dans l'équipe, ça marche pas, ça. Oh, mais c'est pas grave. OK. OK. Un T-shirt. Trop grand pour moi. Puisqu'il est. Ex-large. Excellent. Alors, ça part à 5$ parce que c'est un T-shirt mint. C'est une tête de mort. C'est un peu douchebag. Tu peux l'acheter. Qui me donne 5$ pour ça? Gears of War. Non? Combien? 5$. Génial. Oh, génial, génial. J'ai même pas besoin d'être là, dans le fond. 6$ une fois. 6$ guérafoire 4 deux fois. Bon, 6$ trois fois. Hein? Ça va être ça cette fois-ci. Soyez pas motivés pantoute. Avoir su, je serais... Troisième lot. Moi, je connais un Chinois qui écrit des histoires de vampires, puis il est un spécialiste des affaires de vampires de Masquerade. Hey, c'est à nous autres, ça, les vampires, les Chinois. Ils connaissent rien aux vampires. Ouais, ta gueule. C'est comme ça. C'est écrit... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça part à 2$ parce que c'est écrit 2$ dessus. Mais je suis certain que ça a été payé beaucoup moins cher. Donc, qui me donne 2$ pour ça? C'est de la crap. 2$. C'est un jeu de société de vampires. Cœur de vampire. 4$. Oh. Est-ce que tu surenchères? Non? 4 piastres, c'est trop. 5$ pour le gars agité. Un Chinois. Un Chinois, on me dit à l'oreille. 5$ une fois. 5$ deux fois. Et il sera, chérie, c'est une soirée incroyable. Je vis un rêve. 5$ et 50, une crise de foi. 5$ et 50 deux fois. Part avec, Steve Calis, part avec. Alors, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir encouragés à la mesure de vos ambitions. Je vous laisse avec le très, très, très généreux Tommy Godet. On va faire ça vite, c'est Noël. Merci Mathieu Boudreau, merci Eric Carmen. Donc, on s'en va écouter pour Noël. Un film de Noël. Vous avez vu tantôt, on a mis une séquence, là. Il y avait John Lennon qui chantait And So This Is Chris. Puis là, il y avait un gars au ralenti qui tuait tout le monde. Mais cette séquence-là vient du film qu'on va écouter. Ouais. C'est un clone de Die Hard. Et ça implique un Frank Zagarino qui est totalement imberbe. Il y a un moment donné, là, ton pourcentage de gras dans ton corps fait que t'as plus aucun poil. C'est vrai. On dirait que ton poil devient comme de l'huile, qui fait que t'es tout le temps comme huilé. Et Frank Zagarino vit ce moment-là. Et Frank Zagarino est un cyborg. Là, vous vous demandez, c'est qui Frank Zagarino? Vous allez tout de suite le voir. Vous allez le reconnaître. Il y a Brian Genese aussi. Genesee? Whatever. Lui, il va jouer une espèce d'ivrogne qui va devenir un John McClane. Chris que ça fit. Il y a aussi un demi-lune. J'aime beaucoup les demi-lunes dans les films. On sait c'est quoi un demi-lune? Moyen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi? Je l'explique vite. OK. Un demi-lune, c'est un enfant qui a trop de responsabilités dans un film. Tu sais pas trop pourquoi il est là, puis tout le monde y parle comme si c'était un égal, mais il devrait être à la maternelle. T'sais. Mais bon. Le demi-lune de ce soir est particulièrement savoureux. Et vous allez voir, il va sortir une leçon de morale. Et ça vaut cher la livre, des leçons de morale d'un jeune de 8 ans. Et surtout, le film de ce soir, c'est un clone de Die Hard vraiment parfait. Et on va se rendre à l'explosion à la fin. Quelle surprise! Oui. Et l'explosion de la fin, ça vous dit rien, ça va sûrement vous dire rien, mais moi, à l'époque, quand je l'ai vu, ça m'a scié les deux jambes. Mais la mort du cyborg Frank Zagarino, oui, il perd à la fin. Spoiler alert! Les États-Unis ne sont pas brûlés par une explosion nucléaire. À la fin, quand il meurt, c'est exactement le même green screen pas bien fait qu'à la fin du premier. Puis pas, mettons, ils ont repris le concept, là. Ils ont repris les mêmes petites bouts de green screen pas bien faites de 2 ans avant. C'est incroyable. J'ai jamais rien vu ça comme ça ailleurs. Donc, si vous êtes curieux, je vous enverrai Projet Romulus 1, version française de Project Shadow Chaser 1. Parce que nous autres, à soir, on va écouter Projet Romulus 2, version française de Project Shadow Chaser 2. Et c'est un très bon film de Noël. Merci d'être avec nous. La semaine prochaine, on va avoir un cabaret. Si vous avez une histoire, une anecdote de magie de Noël, on la veut. Toute la soirée va être enregistrée et diffusée live sur les ondes de Salut tout le monde qui nous écoute en ligne. Donc, venez. Il va y avoir un karaoké. On va avoir des VJ de Noël. Il va y avoir des humoristes de Noël, des recettes de Noël, des jokes plates de Noël, l'envie de crisser son camp de Noël. Ferme ta gueule de Noël. On va écouter Projet Romulus 2. Merci d'être là. Ah, puis Mathieu va passer avec le Yuki. C'est lui qui a les plus belles fesses. J'ai reçu un ordre du président à propos de Cobra. Il court-circuite le Congrès et le Pentagone. Il veut qu'on démantèle le système, et tout de suite. Quoi ? Il est complètement cinglé. Nous avons dépensé des milliards de dollars pour mettre au point l'arme absolue et il veut la détruire. Cette décision est sans appel. Aux yeux du gouvernement, l'existence de cette arme le plonge dans un profond embarras politique. Écoutez, ce n'est pas parce que l'Union soviétique ne représente plus une menace nucléaire que la guerre froide est terminée. N'est-il pas au courant de ce qui se passe en Chine ou en Corée du Nord en ce moment ? Il sent.